nous allons donc attaquer sans plus tarder le débat sur les routiers de la CB. Je ne sais pas qui c'est qui commence par la réa. Ben non, pour l'instant, on peut pas commencer, on n'a pas les auditeurs. Donc déjà, le boulot, il a déjà été mal fait, on a déjà pas d'auditeurs. Donc c'est quand même bien. Alors Anne-Cas, je sais pas ce que tu fous jusqu'à maintenant. Tiens, vas-y. Je sais pas ce que tu fous là, à l'heure actuelle, je t'ai demandé de prendre des auditeurs, pour l'instant t'es pas dessus. T'attends quoi? T'attends le dégel? Il y en a plein des auditeurs. Non, mais je veux pas le savoir, il y a pas de 10 pour commencer, alors. Non. Donc si on commence sans auditeurs, eh ben tant pis pour vous, hein. Attends, je leur donne leur jour. Ah bah non, mais et ça arrive quoi. Ah bah attends, c'est vrai, Gigi. Oh, il est déjà minuit 10. Bah, tu rentres un quart après, t'es. Bah, non, mais on fait minuit 2h, c'est pas minuit un quart, 2h du matin. Bah, attends, t'as combien de questions? Bah, ça y est, elles sont prêtes. Il y a 12 questions. Bah, c'est bien, donc là, tu rappelles le débat, tu dis de quoi on va parler ce soir, et puis voilà. Bah, de manière, sur le débat. C'est un débat sur les routiers et la CB, donc il y a le site internet, vous pouvez toujours. Y aller. Il y a Rigo qui est là ce soir. Bonsoir. Pour le grand retour 2000-2001. Donc c'est www.frfunradio, c'est voilà, ça. Voilà, tout à fait. Et le standard au 0803-08-5000, donc il y a Anka et Fildar qui vous attendent. Donc dès qu'on aura les auditeurs, on pourra commencer. Manu qui est à la Raya. Oui, bonsoir. Donc si on a personne pour commencer, on va peut-être commencer avec un peu d'internet, là, voir combien qu'on est déjà à peu près pour commencer. Alors la rentrée s'annonce très bien, on est 7043. La classe. Ouais, ça commence, ouais. Et voilà, tout se passe très bien. Tout le monde salue ton retour. Et j'espère que tu te portes bien, tout ça. Ouais, ouais. Et tout va bien. Alors, comment. Off. Ça y est, ça commence. Je dis pas les mêmes. Ouais, mais lui, c'est un habitué. Non. Ça commence à me gonfler. J'aime pas. Attends, Gérard. Normalement. Non, mais même. Non, mais pour commencer ton. Ouais, mais moi, pour ton commencer. Premier débat, non, attends. Ton premier débat de la rentrée, il faut un truc, tu vois. Ouais, mais même, c'est pas la peine. Donc, écoute ça. Plus c'est tard, plus ça pue. L'émission sponsorisée par les jeans, la vis. Et ça, j'avais bien précisé, pas de pub. Faut bien qu'on fasse du blé un peu. Pour ça, on va accueillir Monsieur Mazur comme tous les débats. Ah, bonsoir Monsieur Gérard, quelle joie de vous entendre à nouveau. Bon, ça y est, on a compris. Comment allez-vous Monsieur Gérard? Ça va. Donc Paris 101.9 X 1YL, 24 ans, Romorantin, 96 1, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir YL. C'est Anka et Fildar au standard, bonsoir. Salut Manu, salut Anka, salut Rigo. Salut, ça va? Bien. Ça va, ouais, et toi? Okay. C'est quoi? Bon, ça y est, les bonsoirs, merci. Stratur. Bonsoir Monsieur Mazur, je veux bien dire. Bonsoir Monsieur Mazur, on arrête. Absolument Monsieur Gérard, je suis d'accord avec vous. Striker, 29 ans, Toulouse, 117.7. Ouais, Star Turk, bonsoir Finda. Bonsoir, salut Star Turk, tu vas bien? Salut Rigo. Bonsoir Rigo. Bonsoir tous les auditeurs. Salut Star Turk, salut tout le monde. Ah, salut GG, salut. Salut. Eh, Jackie. C'est Elton John. Oui. Oh Manu, s'il te plaît, t'arrêtes ou j'arrête les débats tout de suite? Bonsoir. Jackie, 30 ans, Jouy en Josas, 101.9. Tout à fait. Salut Jackie. Salut Jackie. Bonsoir Manu. Salut Jackie. Bisous Anka. Bon, ça y est, maintenant les bonsoirs, c'est terminé, on attaque. Alors, c'est un débat. Bonsoir. Oh, ça y est, j'ai dit. Bonsoir. Ça commence à m'énerver, ça. Bonsoir. Manu, tu commences pas. Ah non, c'est pas moi là. Alors. Hé! Vous commencez à les calmer parce que sinon vous va les calmer là. Vous vous calmez, ok? Ok. Alors, j'ai envie de câlin. Manu, tu arrêtes s'il te plaît, merci. Non, GG, c'est pas moi là, il faut y aller là. Sinon je vais arrêter tout de suite, moi, ça va aller vite hein, ce soir. Alors, le débat, c'est des routiers, les CB. Faut-il plus d'hommes que de femmes au volant des camions? On va demander ça à Jackie. Eh ben écoute, moi je te dirais... Je préfère tout de suite vous dire qu'il n'y aura pas de sondage, étant donné que Fildar a été donné des fausses informations. Hein. Donc on n'aura pas de sondage pour ce soir, désolé. Si, justement, Rigaud... Vous avez fait des sondages sur la radio. Moi j'avais fait sur la radio et entre-temps... J'en ai cherché, moi. Ils se sont vus, Manu il en a cherché. J'en ai, moi. T'inquiète. Non, donne si t'en c'est t'en sur les routiers. Mais ouais, j'en ai, attends. Attends. C'est de la bonne. Bah attends. Ok. Routier CB, hein, comme c'était prévu, on a bossé. Hein. Bon, Gérard, tu t'y vas. Bon, alors, donc, la première question, faut-il plus d'hommes que de femmes au volant? J'avais demandé à Jackie. Alors, moi, je te dirais, Gérard, bonsoir. Bon, ça y est, on a déjà dit bonsoir, c'est terminé, on arrête. On arrête avec le bonsoir. D'accord. Bonsoir. Moi, je te dirais que je serais plus tenté de voir des femmes au volant que des hommes. Parce que, tu peux préciser? Des femmes, c'est avec des seins. Non, mais tu peux préciser le fond de ta pensée avant que je te dise bonne nuit si tu veux pas répondre aux questions. Non, non, mais écoute, j'étais en train de préciser, mais faut pas me couper tout le temps comme ça. Moi, je te dirais que à chaque fois que je prends l'autoroute, moi, je suis routier, hein, je prends la A6, je vais jusqu'à Perpignan. Et puis, on croise souvent des mâles en sueur et qui puent la gnôle. Donc, moi, je serais tenté de plus croiser des femmes qui sentent le parfum de Chanel. Au volant de camion. Ouais, mais t'as pas besoin de préciser les marques de parfum, s'il te plaît, merci. D'accord, c'est vrai. Straturk. Ouais, bah écoute, moi je pense que sans faire de misogynie, c'est quand même plus un taf de mec, hein, quand même. Ouais, mais il y a quand même des femmes aussi au volant. Ouais, il y en a quelques-unes pour. Ouais, mais moins, parce que c'est quand même un boulot qui est assez dur. Eh, c'est une histoire de quota encore, comme d'habitude. Hein. Ouais. Non, mais même, ça est quand même un boulot qui est assez dur aussi, faut bien le préciser. Hein. Ouais, physiquement, c'est clair que c'est autre chose. Hein. Tiens, c'est pour ça que les meufs. C'est Fildar, bonsoir. Bonsoir, tu. XL, là, tu t'écrases ou je te dis au revoir, toi. Y, bonsoir. Bon, allez, mais non, c'est un son qui y a un mec qui envoie ça, ouais, c'est pénible. Non, je voulais dire, vous parliez du métier de routier, mais quand tu regardes bien, les femmes qui font ce métier-là, elles sont assez fortes. Enfin, tu vois, elles ont une carrière d'homme. Ouais, non. Attendez, je réponds à la question à Fildar. Parce que moi, j'ai vu un reportage justement sur Moment et sur un reportage. Ouais. Donc, t'as qu'à voir celle qui se lève à 5h du matin, elle a pas besoin. Qui se lève. Oh, qui se lave, espèce de con. Qui se lave. On parlait de leur poids, là. Hein. Ouais, c'était quand même une ancienne bûcheronne, la nana aussi. Ah non, elle a pas fait ça depuis. Elle a connu quelqu'un qui était routier, et donc elle s'est lancée là-dedans aussi. Hein. Ah, ça l'a marqué. Ouais. XL. Y. Non, c'est XL, moi, que j'ai. Non, c'est un Y, mais mal fait, c'est tout. Ah ouais, YL. YL par rapport à la CIMI, t'as même pas relevé. Oh là là. Mais merci. T'as tout oublié après ta cure. Non, mais t'inquiète pas. C'est tout ce que tu voulais rajouter, Straturk? Ouais, c'est bon, c'est cool. C'est ok, cool. Bon, alors YL. Ben, moi, je suis vachement contente qu'il y ait beaucoup plus d'hommes que de femmes. Les routiers, c'est quand même des mecs assez séduisants et vraiment pas cons. Et je rencontre pas mal dans les restos de routiers, ils sont vraiment pas cons, quoi, et bien membrés en plus. Monsieur Mazur. Oui, bah écoutez, c'est pas mort, ça des femmes au volant, n'est-ce pas? Mais vous connaissez comme moi, monsieur Gérard, le proverbe femme au volant, mort au tournant, n'est-ce pas? Mais on en a rien à foutre de ce proverbe. Je vous demande de répondre à la question, c'est tout. Écoutez, je sais que vous n'en avez cure, mais j'y réponds. C'est-à-dire que non, c'est un métier d'homme, et voilà, il faut que cela reste un métier d'homme, n'est-ce pas? De toute manière, si maintenant il y a des femmes qui veulent se lancer dans ce métier-là, c'est leur droit. Mais absolument. Moi, de toute manière, comme tous les boulots, tous les boulots sont ouverts, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes. Monsieur Gérard, vous avez été de la profession, vous n'allez pas me contredire lorsque je dis que, ne serait-ce que pour manier cet énorme volant, il faut quand même suffisamment de force, et je ne crois pas, malgré tout le respect que je porte au sexe faible, je ne crois vraiment pas, et quand je dis sexe faible, je ne parle pas de vous, bien entendu, mais je ne pense pas qu'une femme soit à même de pouvoir tourner cet énorme engin. Bah, moi je peux vous dire, je peux confirmer que si, j'ai eu l'occasion d'en côtoyer quand je conduisais. Et je peux dire que il y en a en France, monsieur Gérard. Oui, j'étais sur la, je faisais la France, hein, j'allais pas ailleurs. Mais je peux confirmer que j'en ai croisé et ils étaient au volant d'un 40 tonnes et c'est elle, vrai elle, que elles étaient au volant d'un 40 tonnes et c'est vrai que c'est pas évident à manipuler, hein. Surtout quand pour se mettre à quai, c'est vrai que c'est le plus chiant, hein. Surtout que toi aussi t'es pas mal au volant des 40 tonnes. Mon ta gueule, toi, avec tes conneries, parce que tu fermes ta gueule maintenant, tu laisses un peu le micro. C'est vrai, Gégé. T'as passé ton permis poids lourd, toi? Bah oui, je l'ai. Tu peux te marier maintenant. Ouais, c'est vrai. Qui c'est qui voulait poser une question? C'est moi, sur IRC, je suis là. Parigo. Donc, bon, ça y est! Tranquille, tout le monde va bien. Merci. Donc il y a une question du routier. Le routier, il te demande si tu as rencontré et tu aurais eu une relation avec une monitrice d'auto-école routière. Non, parce que j'ai passé mon permis. J'ai passé mon permis et c'était. D'ailleurs, comment ça se passe pour passer le permis routier? C'est comme quand tu. Non, c'est quand tu prends le pour le voiture, pour les permis voiture. Pour faire des créneaux. Ben, t'as un code d'abord, après t'as l'examinateur, tu fais un petit parcours et tout. Voilà. Mais le plus chiant, c'est. Et tu fais ça dans les rues, dans la ville. Ouais, il y en a qui. Ah, y en a, c'est pour y en ça a. Alors. Non mais il y en a qui. Non mais même, c'est pas. On va pas parler de ça, des morts sur la route parce que. Ah, mais c'est un rapport avec les routiers quand même. J'ai beaucoup de gens en parlent en tout cas. Ouais, mais ce qu'on parle, ça sert à rien parce qu'en fin de compte, on va dire tout de suite que c'est de la faute. C'est plus de la faute des routiers qu'autre chose. Alors non, je suis pas d'accord. Mais alors comment ça se passe dans la ville alors pour le permis? Excusez-moi. L'émission sponsorisée par le whisky. Non, Manu, ouais. Ça y est, Manu, tu arrêtes avec les Mini 20 sponsors. Tu voulais dire. Non, ouais. Je disais, est-ce que t'as vu la spéciale de questions pour un champion? C'était bien. N'importe mais quoi. Mais non, je me demandais comment ça se passait le permis poids lourd dans la ville. De toute manière, c'est comme une voiture, sauf que le code est plus compliqué à passer que pour le. Il y a quoi comme. Il y a les panneaux de signalisation qui sont pas du tout pareils pour le camion. T'as des endroits que tu n'as pas le droit de prendre. Quand c'est un truc avec produit inflammable, tu n'as pas le droit de le prendre. C'est interdit. L'anus de ta femme. Ta gueule, va pas enculer, connard. Estras-tu que je te dis au revoir. Hop. Salut, pratique. Voilà, c'était comme ça, ça va aller vite déjà. Donc, il y a certains endroits qui sont interdits, donc aux 3 tonnes 5. Donc, ça pour bien se dire que c'est vraiment compliqué. Et donc, maintenant, c'est pour ça qu'il y a une vigilance très importante pour ceux qui conduisent. Bravo. Ouais. Tu passes le permis poids lourd. Bon. Ouais. Faut que tu fasses des créneaux, des marches arrière. Ah bah oui, hein. De manière, t'es une semaine. C'est une semaine chez un employeur et après tu passes, t'es avec quand même avec le moniteur. Ouais. Donc t'es avec le moniteur et faut que tu passes des créneaux pour. Un créneau avec un camion. Ben avec un 40 tonnes, je vais te dire une chose que c'est pas évident. Hein. Mais Monsieur Gérard. Ouais. Lors du permis, vous avez retour, n'est-ce pas, à manipuler la boîte noire. Ça s'appelle un mouchard. D'accord. Parce que la boîte noire, c'est sur les avions. Ah, est-ce qu'il y a, dépôt, Monsieur Gérard. Ce qu'il y a sur les camions, ça s'appelle un mouchard. Très bien. Donc le mouchard c'est un disque qu'il faut respecter, quand tu as fini ta journée. Tu changes de disque et tu remets un nouveau disque. Ah oui, je comprends bien parce que ça doit être fatigant, n'est-ce pas, ou énervant d'écouter tout le temps la même musique. Bah ouais, tu peux choisir les disques de gens que t'aimes. Non, mais ça, le disque qu'on passe sur le disque. C'est un disque ou c'est Michel Tardot, monsieur. Non, c'est un typographe qui marque Un type qui fait quoi? Un typographe. C'est un mec qui fait des dessins sur les murs, là. Arrêtez vos conneries, là. Putain, vous me pétiez, là, tous les deux, là. Manu et Pildar. Hein. C'est vrai. Bon, une petite question IRC de Checkmat. Il voulait savoir la différence entre un routier et un routard. Et est-ce qu'il faut un diplôme pour être soit l'un, soit l'autre? En principe, non. Il n'y a pas besoin de diplôme pour être routier ni routard. Et alors, c'est quoi la différence? Un routard, de toute manière, c'est un mec qui fait du stop. Et un routier, c'est un mec qui conduit. Il prend des mecs en stop. Ouais, mais normalement, c'est interdit. C'est ce qu'on va en parler là à la troisième question. Et j'avais une autre question concernant le permis. Quand tu passes ton permis poids lourd, faut que tu roules, faut que tu fasses des kilomètres. Je sais plus qui c'est qui m'en parlait. Il disait que toi, ça t'a permis d'avoir un peu une femme dans chaque ville. Monsieur Mazur, s'il vous plaît, merci. Ce qu'il faut dire que là, pour l'histoire des kilométrages que l'auditeur a dit sur l'IRC, ça c'est quand tu passes ton permis à l'armée. Uh-huh. Parce qu'à l'armée, il faut que tu ailles un certain nombre de kilomètres pour qu'il soit validé en France. Mm-hmm. Parce que si tu passes ton poids lourd à l'armée, pour être validé. Ah, tu prends Bibi en caserne. Il fait tourner, hein, il fait profiter. Quand tu passes ton permis à l'armée, donc t'as un certain nombre de kilomètres pour qu'il soit validé quand tu ressors de l'armée. Parce que si t'as pas fait le nombre de kilomètres à l'armée, tu ne peux pas l'avoir après dans le civil. Mmh. C'est différent les permis de l'armée par rapport à ceux qu'on a à l'heure actuelle, les roses. Parce que c'est un petit papier vert. T'as rien compris, mais c'est pas grave. Laisse le parler, c'est grave. Attends. Donc, c'est un genre de feuille verte, tandis que nous, c'est une feuille rose. Voilà. Mais les poids lourds, ils ont des vignettes ou pas? Non, il n'y a pas de vignettes. Pourquoi? Bah non, ils ont pas de vignettes. Ils ont que l'assurance, de cette manière, en parlant de vignettes, on fera sûrement un débat sur les vignettes. Maniez-vous, hein, maniez-vous. Bon, il y a qui c'est qu'on a à la place de Starturk. À la place de Starturk, pas Starturk. On accueille Pouce Sens, 23 ans de Bordeaux, 93.fm. Bonsoir Pouce Sens. Pouce Sens, moi qui est super, Pouce Sens, breakdown. Oh, tu t'écrases un peu, s'il te plaît. Ok, les déchaînés. Moi qui est super. Bonsoir. Il appelle d'où? De Bordeaux, 93.fm. Tout sort dur en poussant ce breakdown. Bon, deuxième question. À votre avis, faut-il une licence pour... Oh, Poussance, coupe ta musique. Poussance une fois, Poussance deux fois, Poussance trois fois. Arrêtez. Ah, c'est bon. Après, il va parler dans une langue incompréhensible. Je te préviens, Poussance, c'est la dernière fois qu'on te dit de couper ta radio, sinon tu vires. D'accord. Un bouc sur le routier. Oh, t'as entendu ce que je viens de te dire? Très bien. Bon. Pousse en sourire. Pousse en sourire. Oh, que super. Allez hop. Mais non. Allez, tu lui dis au revoir. C'est bon, il a coupé. Il a pas compris que fallait qu'on arrête sa radio. On n'a pas posé une question encore. À votre avis, faut-il une licence pour la CB, Monsieur Mazur? Non, Pousse en sourire encore là. Je l'ai calmé. Hein. Non, tu l'as. Je l'ai calmé. Je suis calmé, Gérard. Mais non, je l'ai calmé. Il est là. Pousse en sourire. Breakdown. Badaboum. Bonsoir Gérard, bonsoir Philard. Bonsoir, ça y est. Bonsoir Rego. Salut. Bon, ça y est, on a dit. Bonsoir les auditeurs. Ça y est, c'est terminé, les bonsoirs. Très bien. Alors, tu réponds à la question, peut-il avoir une licence pour la CB? Non, pas du tout. Alors, tu peux préciser? Bah, tu précises, t'achètes ta CB, et après, t'en fais ce que tu veux, pas besoin de licence. Avant, s'il fallait une licence, hein. Ah bon? Ouais. Bon. Pourquoi? Ben parce qu'avant tu pouvais pas faire de la CB comme ça, il fallait une licence. Et pourquoi avant et plus maintenant? Parce que maintenant pour parler avec des alcoolos. Bon alors Poussance, au revoir. Non, allez non, scolaire, attends, au revoir l'alcool est ton merde. L'alcool est ton merde, tu vas te reculer, au revoir. Au revoir. On sait bien que t'es guéri, vas-y. Au revoir, terminé Poussance. T'as du sang dans tes veines maintenant. Terminé. Allez. Terminé pour Poussance. Il a fait la cure chez... Terminé pour Poussance. Chez l'ancien joueur de rugby là, comment il s'appelait là? Jackie. Blanco. Jackie. Blanco. Bon, et vous atteignez, tête à ton micro et tu fais ton boulot. Anka, tu me prends des auditeurs ou sinon tu vires des studios. J'ai coupé les auditeurs GG parce que je trouvais ça bruyant. Alors, Jackie, maintenant. Oui. Non, pas besoin de licence hein, pour faire de CB. C'est à la portée de n'importe quel blaireau. Hein. Ouais, mais même, c'est parce que l'autre, il t'a dit ça, tout le monde va me dire. Non, mais moi, je sais pas, moi. Tu me demandes s'il y a une licence. Pour moi, il n'y a pas de licence. Attends. Bah, avant, il n'y en fallait une. Moi, je peux te dire, il fallait que tu ailles avec ton appareil au PTT et te donner une licence. Au PTT en plus. Oui, parce que c'est un appareil qui était agréé par les PTT. Quand tu l'achètes, il y a un papier comme quoi que c'est agréé par les PTT. Moi, je crois que c'est toi qui aurais dû prendre un otage à Jolo. Hein. Bon, alors, Jackie, au revoir. Allez, qu'est-ce qui se passe? Jackie, tu lui dis au revoir. Qu'est-ce qu'il a dit? J'ai pas terminé. Fini. Qu'est-ce qu'il a fait? On peut pas répéter. Arrête. D'accord. Chier, c'est pas. Bon, c'est pas grave. Non, mais il y a pas besoin de le savoir. On répète pas, on a la DAT. Il y a pas besoin de le savoir. On accueille à la place donc de Jackie parce que bon, j'ai pas encore eu le temps de trouver quelqu'un pour Monsieur Poussance remplacer Poussance. Capitaine Cure, bonsoir. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir Capitaine Cure. Bonsoir Manu, bonsoir. Bonsoir Capitaine. Salut Capitaine. T'appelles d'où? Bonsoir Anka. T'appelles d'où? Elle vient de dire bonsoir. Bonsoir, j'appelle de Bordeaux, j'ai 31 ans et on écoute sur 118 Fun Radio à Bordeaux. Bonsoir. Bonsoir. Alors capitaine. Attends. Non, parce qu'il a la fréquence de à côté de Biarritz lui. Ah ouais, de... Bah, t'es limite Biarritz. Hein. Ah ouais, non, c'est Bordeaux, tu captes sur Biarritz. Bordeaux, ouais. Sud. Donc fréquence, tu m'as dit 118.8 FM. Ok. Donc t'as entendu la question? Sur les licences, c'est ça? Voilà. Moi, je pense qu'il vaudrait mieux, à la limite, exiger des licences. Ça ferait une sorte, si tu veux, d'écrémage. Ça permettrait de quand même limiter les dégâts au niveau du milieu des routiers, quoi. Faut être réaliste. Au moins, savoir écrire, compter. Tu vois, parce qu'il y a plein de gars, c'est clair, dans l'état où ils sont, ils n'auraient pas le courage d'aller réclamer la licence, quoi. Donc, tu vois, ça ferait de la place, quoi. Ça ferait de la place sur les canaux. Ouais, mais même, de toute manière, faut dire une chose qu'avant. Reconnais que les canaux sont quand même encombrés maintenant. Il y a plein de petits cons qui prennent des CB, qui font mumuse, etc. Il y a des gens qui travaillent avec la CB, tu vois. Ah ouais, mais ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. De toute manière. C'est-à-dire, après, quand il y a des puces qui veulent racoler sur le canal 19, c'est embouteillé, il y a du monde, elles peuvent plus travailler. Tu crois que c'est normal? Non, mais le canal 19, c'est pas un canal à pute, c'est un canal pour les routiers, hein, sous le signal. Kiff-kiff, quoi. quoi. Non, non, mais c'est un canal routier et... Un gros canal. Ouais, mais c'est le canal où qui servent le plus pour savoir où qui, s'ils sont perdus, pour savoir où qu'ils vont. Hein. Gérard ? Oui ? À la place de Jackie, on accueille un nouvel auditeur. Non, ça y est, Jackie, tu me l'as remplacé par Capitaine Cure. Oui, bah, alors à la place de Pouce-Sens... On accueille un nouvel auditeur, Petit Poussin, qui habite à Lille. Bonsoir, Petit Poussin. Bonsoir, bonsoir tout le monde, bonsoir Gérard. Bonsoir, Petit Poussin. Ça va ? Bonsoir. Ouais. Bonsoir, Petit Poussin. Bonsoir, bonsoir Petit Poussin. T'appelles d'où ? Cucu. Ah, la vacance de Lille, Petit Poussin ! T'appelles la Lille. Mais Alta, tu t'écrases ! Tu t'écrases ! Cucu. Il appelle d'une cage. Dis-moi bonjour, s'il te plaît. Anne-Ka, tout à l'heure, tu allais nous demander que tu vas te dire bonjour, dehors. Il n'y a pas de raison, attends. Hey, tu te crois pas tout permis, je dis ici, okay. D'accord ? Ok. Merci. Bonjour. Petit Poussin, t'appelles d'où ? De Lille. Fréquence, s'il te plaît. 94.2. T'appelles de Lille aux oiseaux ? Ça cartonne. Alors, qui c'est avec qui j'étais avec Capitaine Cure et YL, hein ? Ouais. Donc, t'as répondu ou tu veux rajouter quelque chose par rapport à ce qu'il avait dit, Capitaine Cure ? Deux. Pas d'autres, c'est YL. Celui qui dit avait pas enculé, c'est toi qui vas aller te faire enculer tout à l'heure. Qui c'est qui veut m'enculer ? Ça serait bien qu'on avance dans le débat, je veux pas être chiant, mais... Je suis relativement d'accord avec les autres, faut pas de licence, mais par contre, avant, il en fallait une. Mm-hmm. Faut que j'aille au PTT pour la réclamer. Bah oui, mais c'est ce que j'ai dit. Bah, Oui, c'est ce que j'ai dit hein, au début. J'ai pas pris ça. Pendant un moment, ma mère, elle avait la licence 4. Ouais. Est-ce qu'elle pouvait faire de la CB avec cette licence-là ou pas ? Bon, ta gueule, toi, je réponds pas à tes questions de merde. Et pourquoi ? Parce que la licence 4, c'est une licence pour les cafés, ça, espèce de con. Pour les alcooliques ? Ouais. Tu ferais mieux de te renseigner, toi, au lieu de dire des mots. Je me renseigne. Renseigne-toi sur d'autres trucs qui font partie des débats. Si je peux pas me renseigner vis-à-vis de toi par rapport à la licence 4 et autres. Tais-toi, tu faudrais. Jimmy, c'est au sponsorisé mieux. Par Pourtel. Monsieur Mazur. La boisson non alcoolisée. Monsieur Mazur. Bah, écoutez, monsieur Gérard. Manu. Oui. C'est la dernière fois que tu t'amuses à me mettre. J'en ai rien à foutre avec ça. Bien entendu, monsieur Gérard, c'est comme toutes les professions, n'est-ce pas, qui méritent cette appellation, eh bien oui, il faut une licence. Tout comme un crémier ou un boucher a une licence, il n'y a aucune raison à ce qu'un routier n'ait pas la sienne. Après tout, ces gens-là ne sont pas plus cons que les autres. D'accord. Ouais, mais je parle pour la CB, hein. Ah, ben oui, bien entendu. Hein. Mais écoutez, n'oublions pas, n'est-ce pas, que le crémier ou bien encore le boucher, lorsqu'il ne travaille pas à son véhicule personnel, bien entendu, il peut être équipé d'une CB. Alors si lui le fait, pourquoi pas le routier, n'est-ce pas ? Et donc, par conséquent, oui, en effet, il faut une licence. Mais l'inverse est faux, en revanche. C'est-à-dire que, pour m'expliquer, un routier, même s'il possède la même licence pour sa CB que le crémier ou bien encore le boucher, ne peut pas pour autant vendre des bavettes, des steaks ou bien encore du minster. Ouais, mais faut pas confondre les crémiers avec les routiers parce que ça, c'est pas le thème du débat, hein, ça. Ah non, absolument pas. Non, le thème du débat sont bel et bien les routiers. Ouais, les routiers et la CB. Hein, ah, vive les routiers, vive la CB. Petit Poussin pour finir avant le sondage. Et avant de mettre un disque. Ouais, mais juste au standard, Gérard, j'ai pas entendu la question. Alors, je précise quand même. Oui, que vas-y. Les questions seront posées qu'une seule fois, non deux. Ah, bah, je suis bien emmerdé, donc je vais répondre très simplement. Tu as besoin d'une licence. Eh, tu ferais mieux au lieu de demander à ce qu'on te répète la question, t'aurais écouté ce que les gens ils ont dit. T'aurais tout de suite compris. Et Gérard, tu l'aurais répété tout de suite, on n'aurait pas perdu un quart d'heure. Ouais, mais même. Aussi, c'est vrai. Mais maintenant, faut dire une chose, que cette année, je ne répéterai plus les questions. S'ils sont au standard, ils se démerdent. D'accord. Alors, Petit Poussin. Oui, bah oui. Bon, ouais. Ça suffit, là. La merde, la fermer. Ouais. Ok. Ouais. Bon. Alors Bien sûr qu'il faut une licence pour avoir une CB. Oh là, d'accord. Je sais pas d'où que tu te sens, t'es vraiment taré, toi. Hein. Je crois que je vais te dire bonne nuit tout de suite, toi. Pourquoi ? Ouais, non, mais attends, tu réponds carrément à ce que les premiers auditeurs t'ont dit. Ouais, pour une licence. C'est connu. Mais non, mais toi, tu peux expliquer pourquoi ? Bah, bien sûr, parce que c'est une règle. Oh là là là, mais t'es... C'est une règle. Ouais, ouais, d'accord. Bon. Et ceux qui faisaient de la CB sans avoir de licence, ils pouvaient avoir une amende? Au début, oui, mais maintenant, comme faut bien se dire que maintenant la CB, tout le monde peut s'en acheter une, tout le monde peut en mettre une dans sa voiture. C'est ouais, mais la CB, c'est pour les nazes. Ouais, c'est l'internet maintenant. Alors, non, mais même. Ouais, mais même, t'en vois toujours qu'on la CB. Hein. Donc, un sondage, avez-vous déjà fait de la CB? C'est géré. 59% des gens répondent qu'ils ont déjà essayé, mais avec de la vaseline. Je ne sais pas du tout ce que ça fout là-dedans. 34% répondent qu'ils préfèrent l'échec à la CB enfin la carte bleue. Mais de toute manière, on le sait que CB, ça veut dire carte bleue. Hein. Je ne sais pas pourquoi tu me sors des sondages comme ça, Manu. 20% des gens disent qu'ils ont déjà fait de la CB en sous-marin. C'est faux, parce que dans les sous-marins, tu peux pas en avoir. C'est pas pareil. Et 11% pensent que... Non, bah ça, les 11%, ils ont c'est fait. C'est quoi, les 11%? Non, parce que ça... Je pense que sa question, c'est en alcool, mais il veut pas le dire. Non, mais c'était quoi, sérieux, pour avoir des précisions? Non, mais de toute manière, j'ai pas à dire ça, c'est tout. Voilà, question Internet avant la ZICMU. Non, c'est juste Heineken et C64 qui t'appellent. Non, bah tant mieux. Ils vont bien. On en a rien à foutre. Troisième question avant le disque, je pose. A-t-on le droit de prendre une personne dans son camion et on va s'écouper? Ah bah ça, écoutez, Julien le pervers, ça veut dire question pour un croupion et on se retrouve tout de suite après au 0803-085000, vous pouvez nous appeler, l'internet www.fr.radio, www.fr.com, slash, donc irc.cool.org. Voilà, et donc la question, je la répète pour ceux qui n'auront pas entendu, pour les auditeurs, a-t-on le droit de prendre une personne dans son camion et on se retrouve tout de suite? Non, on n'a pas le droit, c'est interdit. Après, Phil Lard, tu t'écrases quand je parle, s'il te plaît, merci. Allez, on se retrouve tout de suite après. Julien le pervers avec question pour un croupion, à tout de suite. L'SDF et son débat, c'est Gérard sur Fun Radio. L'émission sponsorisée par Barbie Barman. Tout de suite, nous rejoignons Gérard. Hey, Manu, ouais. un conseil que je te donne. Ouais. Un jingle comme ça, c'est pas la peine de me les passer, d'accord? Pourquoi? Il était bien, non? Non, il était pourri. Qu'est-ce qu'il avait? Donc on venait, il était pourri, il n'était pas besoin de mettre des trucs comme ça. Donc on vient de s'écouter Julien le pervers avec question pour un croupion et on se retrouve au 0803-085000. Toujours Manu et Anka, Fidlar et Anka au standard. Manuel Aria et Rigo sur le site internet que pendant la pause pub on a discuté avec Rigo. Il paraît que maintenant donc je salue tous ceux qui ont des PC portables dans les camions. Donc si vous voulez vous connecter sur le site de Fun Radio, Rigo va vous le redire. Donc irc.cool.org, venez nombreux amis routiers. Voilà. Et donc on était à 8000, combien que tu m'avais dit? 8200. C'est monté du coup apparemment, c'est des routiers qui arrivent. On est 8723. Ok. Alors la question, a-t-on le droit de prendre une personne dans son camion? On va demander à Capitaine Cure. Ouais, oh, tu, ouais baisses, tu baisses le son qui est derrière toi s'il te plaît. Ouais, j'ai pas de son derrière. Hein. Qui c'est qui a un son pourri là? Il y a quelqu'un qui a une radio derrière. Pas moi, non. Et il y a un portable. J'ai dit pas de portable. Hein? Et celui qui s'amuse avec ça va arrêter tout de suite. Non. Alors Capitaine Cure. Ouais, bah écoute, moi je pense que ça peut être dangereux quand même, hein. Bah tu peux préciser? Bah tu sais jamais qui c'est que tu ramasses, donc tu peux tomber sur des gens chelous. Faut savoir aussi que dans un camion on n'a pas beaucoup de place, donc moi je serais plutôt partisan de garder la place pour ma gueule tout seul, quoi, tu vois. Mm-hmm. Ouais, mais faire de la route seul pendant des heures, c'est pas évident, hein. Ouais, mais quand tu choisis ce métier, tu sais à quoi tu t'attends. Bah hein. Ouais, mais ça je le sais, hein. C'est clair, hein. Mais ça je le sais. YL. Mais se faire prendre comment? Non, a-t-on le droit de prendre une personne dans son camion? C'est-à-dire quelqu'un qui fait du stop, c'est ce qu'on disait d'accord. Tout à l'heure. Je croyais que tu vous dis prendre quelqu'un en levrette, un truc comme ça. Bon, et Grécal, tu commences pas parce que tout à l'heure tu as dégagé toi, vite fait. Hein. Mm-hmm. T'es la seule femme, mais tu risques de dégager si ça va pour. Justement, à ce propos, tout à l'heure, j'avais Erital. Il te posait une question, il voulait savoir quelles étaient tes positions préférées vis-à-vis du pot d'échappement de ton poids lourd. Ouais, ça, je répondrai pas sur ça. C'est pas une question qui me fait le thème du débat. Donc, alors pour toi, Grécal. C'était une durée. Je pense que, ouais, on peut le faire si on a envie de compagnie et plus affinité, quoi. C'était une couchette. Profites-en. Non, mais je te parle de prendre quelqu'un avec dans son camion, et normalement, je peux te dire tout de suite que c'est interdit. Hein. Et tu risques quoi si... Ouais, si bah, tu le fais. De toute manière, c'est interdit parce que déjà, pour commencer, l'assurance, c'est uniquement que pour le chauffeur. Si tu prends quelqu'un c'est et sûr. Que y a... Oui. C'est sûr. Ah bah, il n'y a que le chauffeur qui est assuré. Là, c'est le chauffeur plus le camion. Donc, quand ils trimballent 50 bestiaux, ils sont pas assurés, les bestiaux, derrière. Ah, mais ça, j'en sais rien, moi. Tu peux prendre une grosse en stand en plus, hein, franchement. Bon, alors, qui c'est qui vient de dire ça? Attends, j'ai rien dit de mal. Gérard, quand tu transportes des cures clandestins, t'as le droit ou ça, tu veux quelque trop. Chose Ils sont assurés ou pas? Hey, je vais te dire une chose, YL, tu ferais mieux d'éviter. Oh! Vous arrêtez avec les sons pourris derrière. Tu ferais mieux d'arrêter de parler de n'importe quoi, YL, parce que. N'importe quoi, non, non, mais c'est. De cure clandestin, c'est. Ouais, mais c'est pas du tout le thème du débat, d'accord? Bah, si, c'est des routiers. Ouais, bah peut-être, mais c'est pas du tout dans. Non, je t'explique, Gigi, ce qui se passe, c'est que. Allô, salut. Bah, en fait, quand. Ouais, quand, salut, j'appelle pour les débats de Gérard. Quand Fildar. Je vais expliquer. Quand Fildar, il décroche, il parle à quelqu'un au standard. En fait, ça passe sur l'antenne parce c'est que notre standard vient des States et est super performant. Attends. Alors, monsieur. Allô, t'es. Ouais, ouais. Bonsoir, tu veux parler de quoi? Ouais, salut, salut à tous. Salut, monsieur Mazur. Bon, tu vois. Attends, mais c'est pas de ma faute, je peux pas réparer. Hein, c'est pas une vanne. Oh! Allô, monsieur Gérard, on ne vous entend plus. Non, mais c'est pas une vanne. Vous arrêtez la Non, mais Gérard, c'est pas une vanne. Allô? Je n'entends plus, monsieur Gérard. C'est une vanne. C'est pas une vanne, Gérard. C'est que ça marche pas. C'est. Allô, mais rassurez-moi, est-il tombé dans un coma éthylique? Allô? Non, c'est fini tout ça. Monsieur Mazur! Bonjour, monsieur Gérard, allô? Allô? Bah, écoutez, c'est problématique, je n'entends absolument rien. Y a-t-il un problème technique peut-être? Mais il y a ton micro! Il y est, je t'entends pas. Mais, monsieur Gérard, c'est fou quoi! Allô, monsieur Gérard, levez le coude. Bon, monsieur Mazur, monsieur Gérard. Il t'entend pas. Monsieur Gérard, parlez-moi. J'ai envie de câlin. Gérard, petit pouce. Écoutez, petit j'ai entendu une personne qui avait envie de câlin. Je ne comprends pas. Oui, monsieur Gérard. Petit poussant, au revoir, Gérard. Pourquoi? Putain, mais t'arrêtes, on va se couper. Allô? Ah, mais je peux pas faire le standard, GG. T'es con, quoi? Mais monsieur Gérard, que se passe-t-il? Les auditeurs, c'est absolument incroyable. Comme hier soir, t'as vu derrière la pareil. T'es con, quoi? C'est pas moi qui gère les auditeurs. Mais c'est le standard qui merde, il t'entend pas, bon monsieur Mazur. Ouais, c'est vous qui Oh, donne ça. Oh putain, sur la batterie, il y a un autocollant de Ricky Martin. C'est de ta mère, quoi, d'accord? Non, Ricky Martini, c'est pour s'en souvenir. Bon, allez, moi je sens qu'on va arrêter, Max, tu prends les commandes. Ouais, ouais. Putain, les commandes, là, ça commence à merder. Attends, il n'y a rien eu, là, t'es chiant. Tu dis un petit poussin, on va arriver. Au revoir. Hé, Anka, dernière fois, tu t'occupes du standard, vite fait. Sinon... Dehors! Excusez-moi, minuit 45. L'émission sponsorisée par les gâteaux Prince de cul. Et toi, tu arrêtes avec ça parce que ça m'énerve! Bah oui, mais je gagne des thunes. Ouais, bah tu gagneras rien du tout parce que tu as viré tout à l'heure. Alors, monsieur Mazur, pour la dernière fois. Oui, allô? Allô? Monsieur Mazur, pour la dernière fois. Oui, je vous attends, les gars, vous êtes revenu, monsieur Gérard. Quel soulagement! Quel soulagement. Alors écoutez, oui, je crois qu'aucune loi interdit à quiconque de prendre quelqu'un dans un camion, dans une voiture, bien que ce ne soit absolument pas conseillé, n'est-ce pas? Ne serait-ce que si... alors effectivement, il y a le problème de la solitude, mais j'ai cru entendre lors d'une récente émission, monsieur Gérard, que vous aviez réglé ce petit souci en vous adonnant à l'onanisme de manière assez prononcée, n'est-ce pas? N'importe quoi. Pas de vulgarité, monsieur Mazur. Ah, mais absolument pas. L'onanisme est une pensée politique qui vient de Tchécoslovaquie, s'il me semble. Pas de marque. Non. Bon, monsieur Mazur, c'est pas du tout la question. Avec qui la question était? La question, a-t-on le droit de prendre quelqu'un dans son camion? C'est bien ça. Ouais, mais ouais. À ce propos, Gérard, sur IRC, il y a Starsky le routier, apparemment un routier par internet, qui te demande, parce qu'il est pas sûr, si on peut rouler avec son animal de compagnie dans la cabine, vu qu'il voulait savoir si toi tu allais avec ton sanglier. Quoi. Bien sûr. De toute manière, tu peux très bien avoir... c'est pas pour parler de sanglier comme il est en train de dire, parce que c'est complètement con comme truc, mais tu peux très bien avoir ton animal avec toi, c'est pas défendu. Ce qui est défendu, normalement, c'est de prendre quelqu'un en stop. Et ça, c'est si tu prends un animal en stop. Non, mais attends, les animaux, tu vas pas prendre un animal sur le bord de l'eau. Mais pourquoi il y en a? Mais non, les animaux abandonnés. Non, mais ce qu'il faut dire, c'est ce que on avait déjà fait un débat il y a deux ans sur ça. Donc j'avais bien dit que de toute manière, c'était interdit de prendre quelqu'un en stop, parce que faut dire une chose, que les chauffeurs ont une assurance qui sont pas faites pour d'autres personnes que le camion plus la personne qui conduit. Donc toute personne étrangère, à part le chauffeur, n'ont pas le droit d'être dans les camions. Ça, c'est risque et péril. Parce attendez, laisse-moi finir, petit capitaine Cure, si tu veux. Je pense que tu vas être de mon avis sur ce que je vais dire. Normalement, c'est bien interdit et c'est bien spécifié sur les contrats qu'ils n'ont pas le droit de prendre quelqu'un. Parce que s'il y a un accident, ça retombe sur le transporteur, sur les transporteurs. Donc plus le routier qui est responsable de ça. Ce que je veux savoir, c'est le capitaine Kurde. Oui. C'est pourquoi, tu vois, dans une voiture, il y a des places pour les passagers parce que tu transportes des gens. Oui, mais ça... Ah, explique-moi pourquoi les constructeurs de camions, ils continuent à mettre deux places, voire trois places à l'avant d'un camion. C'est interdit de prendre quelqu'un. Non, mais ce qu'il y a... On peut pas faire une place et puis mettre, je sais pas, un grand frigo pour mettre plus de bière, par exemple. Non, mais capitaine Kurde, ce qu'il y a, c'est que dans les... Quand tu souscris une assurance pour ta voiture... Tu souscris une assurance pour ta voiture, t'es obligé de signaler s'il y aura du monde avec toi. Parce que s'il y a un accident, les personnes qui ont un accident sont couvertes avec ton assurance. Dans les camions, c'est interdit. Oui, alors pourquoi continuer à mettre une place de passager dans le camion? Je suis comme toi, je voudrais bien savoir le pourquoi de... Comment? Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, c'est la place du mort qu'on appelle ça, c'est ça. Exactement. Et donc, dans un camion, je sais pas pourquoi, qu'ils mettent... Oh là, qui c'est qu'un son pourri, là? Larsen. Ouais, il y a du Larsen, c'est pas bon. C'est Pildar. Pardon, excusez-moi. C'était juste pour attirer votre attention, pour vous signaler que Monsieur Ricardo est avec nous pour remplacer Monsieur Poussin. Bonsoir, Monsieur Ricardo. Oui, bonsoir à tous. C'est Monsieur Ricardo, Gérard. Tu peux m'appeler Ricard et enlever l'eau. Hein. Ouais. Tu la fermes et tu me donnes ta fréquence. Alors là, 102.7. Et c'est à Angoulême. Quelle belle ville. Magnifique ville d'Angoulême. Direct, il l'emballe en descendant. Député. Hein. Est-ce que je peux répondre à la question, Gérard? Ouais, ouais. Je t'en prie. Je suis routier aussi. Écoute, moi j'ai fait une erreur une fois, c'est que, je transportais ce que je transportais, c'était pas très, très légal. Mmh. Et j'ai croisé une bonne sœur sur une aire de repos. Et donc je me suis dit, comme je suis catholique, que j'allais la prendre. Mais à ce moment-là, il y a 100 chanteurs à la croix de bois qui sont sortis des fourrés. Et je me suis bien fait avoir, quoi. Donc c'est la première et la dernière fois que je prends des autostoppeuses. Mais elle était bonne. Pas des bonnes sœurs, quoi que ce soit. Elle était bonne quand même. On peut se faire avoir. Bon, ce que j'ai fait, c'est que j'ai foutu les chanteurs à la croix de bois dans le frigo. Et forcément, ils chantaient moins bien après. Ça, ce qu'il y a, c'est faut bien préciser qu'en principe, c'est bien spécifié quand t'es embauché que c'est interdit de prendre quelqu'un dans ton camion. Ouais, mais regarde, Gigi, tu dis on n'a pas le droit de prendre quelqu'un à côté là en tant que passager, mais le gars, tu t'en fous, tu le fous à l'arrière dans la remorque. Ouais, mais non, mais attends, faut pas recommander. C'est pas la place du passager. Ouais, hein, mais c'est l'essence, comment ils font? C'est pas pareil. Ouais, faut pas s'amuser à essayer de dire. De dire des trucs vu ce qui s'est passé. On a sauvé des vies pendant la guerre comme ça en mettant des gens. Non, mais c'est bon, ça y est, on en fait. Une question IRC avant. Oui, vite fait, parce que ça a l'air important. Il y a Routier Cronenbourg qui aimerait bien que tu ramènes le camion plein que t'as chauffé il y a en 82. Bon, alors lui, c'est même pas la peine. Attends, que j'y réponde. En 83, il avait déjà tout vu. Hein. Mais c'est même pas la peine que j'y réponde. Donc, le camion quand même. Alors, que doit... Un petit sondage. Ah ouais, alors, que doit-on faire? Un petit sondage. Ta gueule, tu t'occupes du standard, toi, maintenant. Tu la fermes un peu. Alors, que doit-on faire pour être routier? Alors, 73% des gens répondent qu'il ne faut surtout pas faire d'études. Ben, de cette manière, il n'y a pas besoin d'avoir un bac pour être routier, hein, en principe. 31% des gens disent que je serais peut-être un bon policeman. Ouais, ben, ça, c'est des trucs encore complètement cons. Vas-y, dis. Ben, tu dis, tu fermes ta gueule, tu cherches des auditeurs et tu éteins ton micro, tu m'énerves maintenant, d'accord? Merci. Okay. Alors 31% des gens disent que que j'aurais pu être un bon businessman du sexe. Alors ça c'est complètement con, ça c'est bien des conneries à la Manu. 29% des gens pensent qu'il est dommage que l'Italie ait perdu en finale. On n'en a rien à foutre, c'est pas du tout. Ça n'a rien à voir avec le débat des routiers. Non, mais c'était bien quand même. Et enfin, 17% des gens estiment que c'est dommage que ce soit réservé sans main grosse. Que je sois revenu, enfin que tu sois revenu. Mais ça, c'est des sondages de merde. Alors ça recommence encore cette année. Je crois que ça va être la dernière. Ça va être le seul débat où qu'on va faire des sondages parce que ça m'énerve. Non mais je t'en trouverai, t'inquiète pas Gérard. Ça m'énerve. Juste une petite question de Checkmate pour relancer le débat un petit peu. Il voulait savoir si ça t'arrivait, et c'est d'actualité d'ailleurs, de prendre des vitamines ou des trucs qui auraient pu t'aider à conduire quand tu faisais de la route. Non, il n'y a pas besoin de... Non, il n'y a pas besoin de... Comme on parle de dopage pour les... Ouais, pour mais les ça, athlètes. C'est... Non, mais ça, c'est pour les JO, quoi. Ça va être le débat du 22 septembre. Donc, on n'en parle pas déjà maintenant. Donc, ouais. Il y a une question que je me pose. Je voulais savoir si tu avais emmené ton bouquetin avec toi dans les Alpes. Bon, alors, XL. Oui. Au revoir. Mais c'était vachement important. Je ouais, non, mais presse, moi. Elle va pas faire page dans le paysage. Eh ben, moi, je te dis au revoir. Mais tu l'as mis au milieu. Au revoir. Vidéos, hein, qu'elle passe inaperçue. Au revoir. Avec ses grosses tresses et son gros cul. Oh, quoi ? Hé ! Ah, pardon. C'est fait. Merci. Excuse-moi, j'étais en train de briefer un nouvel auditeur. Ouais, non, mais pour l'instant. Tu lubrifies un auditeur ? Oui, je lubrifie un auditeur. Alors, quatrième question. Ah, Gérard, avant ta question, il y a Paul Attrid qui rebondit bien. Il demande si ça existe les courses de routiers au JO. Non. Il n'y a pas de courses de routiers. Pourquoi ? Dommage. Parce qu'il n'y en a pas, c'est tout. Ça existe pas. Tu aurais aimé y participer s'il y en avait ? Non. Mais 110 mètres routiers, ça pourrait le faire. Non, ça n'existe pas. Il y a simplement... De toute façon, il a dû faire dans la beuge. Hein. Ah ouais, merde. C'est le dopage. Les jeux en e-sport. Bon, ça y est, on arrête avec un peu ces questions de merde. Pour les routiers. Question, quels sont les... Quel surnom emploie-t-on le plus souvent en Sibie ? Oh là. YL. Monsieur Mazur. Fildar, tu t'écrases, tu cherches du monde au standard, s'il te plaît, merci. Non, mais écoutez, quel surnom ? Bah, il faudrait pour ça être familier avec la Sibie, n'est-ce pas ? Et ce n'est pas tellement mon cas, monsieur Gérard. Là, c'est une question un peu pointue que vous posez. Hein. N'oubliez pas que nous n'avons pas tous été routiers. Nous avons tous fait d'énormes études, mais pas routiers. On n'a pas ta culture, GG. Hein. On a une vie normale, nous. Ouais, mais ça vous empêche pas de répondre. Écoutez, si, malheureusement, ça m'empêche de répondre, puisque n'ayant jamais moi-même été routier, bon, je vous l'avoue, j'ai bien fréquenté quelques putes dans ma jeunesse, mais... Un point commun, alors ? Oui, au moins un point commun. Sauf que moi j'ai arrêté. Et vous buviez aussi ? Pardon ? Vous buviez ? Écoutez, oui. Je n'aime pas trop évoquer ce souci, mais moi-même, j'ai fait plusieurs cures de désintoxication à l'alcool. Et je dois dire que maintenant, j'en suis complètement guéri depuis maintenant une bonne douzaine d'heures. Ah bah bien, c'est clair. Monsieur Mazur, vous répondez correctement à la question, vous répondez pas. Monsieur Gérard, je viens de répondre, n'est-ce pas, n'ayant jamais été routier, parlons des putes ou bien de l'alcool, je pourrais aisément vous renseigner car je maîtrise ces deux domaines-là. Monsieur Mazur. En ce qui concerne, n'est-ce pas, les routiers, je ne peux pas, n'ayant jamais niqué ni un routier et en ayant encore bu encore moins, je ne veux absolument pas vous répondre, n'est-ce pas. Bon, alors, ok, vous voulez pas répondre, Mais non, monsieur Gérard, Monsieur Mazur, au revoir. Vous savez très bien que je souhaite répondre à vos questions qui sont des plus intéressantes, mais non, mais là, c'est terminé, je vous ai dit, l'obligation de pouvoir vous apporter de réponses momentanément. Maintenant, si effectivement vous me laissez quelques temps, à savoir 2-3 mois, eh bien. Au revoir, monsieur Mazur, ça va. Je suis l'un de vos anciens. Et je fais quoi ? Tu lui dis au revoir et tu reprends d'autres auditeurs, merci. C'est bonbons et louches et sandwichs sous téléphone. Ah, quel bel univers. Attends, c'est le coup. Tu veux te faire bosser ou tu sors des studios, toi, feignasse ? Il m'a pas montré comment ça marche. Je veux pas te savoir, tu te démerdes. Mais je me démerde, attends, tu sais le faire, toi ? Tu démerdes. Mais montre-moi comment il faut. Vous démerdez. C'est bon, je lui ai montré, c'est bon. Je l'ai coupé. Capitaine Cure. Attends, juste avant que Capitaine Cure réponde, on va accueillir. Je l'ai trouvé, je l'ai déniché, je l'ai fouiné. Mademoiselle Meignier. Bonsoir. De Jouy sur Jean-Louis, Mademoiselle Meignier, et en plus, est d'une grande famille. T'as fouiné, toi ? Oui. T'appelles d'où ? J'appelle de Jouy sur Jean-Louis. C'est où ça ? Dans le Tarn. La fréquence ? La fréquence 93-10. Gorge des Tarn. 93-1 pour 93-10. Ouais, enfin, sur ma chaîne, il y a 0. Ouais, bah on s'en fout. Et en fait, je suis la fille de Max Meignier. Ouais, merci. Oh, bien vu, Capitaine Cure. C'est pour ça la moustache. Capitaine Cure. Écoute, les termes les plus usités, on va dire. Moi, vu ma constitution, on va dire, c'est gastro-liquide et gastro-solide. Ouais. Parce que j'ai des petits problèmes de transit. Non, mais ça, c'est ce qu'on emploie régulièrement, ouais. Voilà, donc en fait, bah, malheureusement, c'est ce qui revient le plus, quoi. Oh non, il y en a beaucoup d'autres. Hein. Ouais, non, mais chez moi, c'est ça, quoi. Ah, donc gastro-liquide et... Et gastro-solide, ouais. Enfin, ouais. Je m'arrête souvent, on va dire. Ouais, ben bah, ça... Quand tu roulais, Gégé, tu t'arrêtais tous les combien, toi? Bah, c'est pas là. Non, mais c'est pas de toute manière, c'est pour savoir, ça intéresse les gens, tu vois, comment ça se passait. En principe, tu dois faire un temps d'arrêt de t'as une coupure d'une heure. T'as une coupure, t'es obligé de faire une coupure pour manger, parce que si tu pars trop tôt, par exemple, comme il y en a qui partent à partir de minuit, la semaine, sauf le dimanche parce que c'est 22h. Mais sinon. Attendez, je suis concentré là. Moi aussi j'essaye, mais. Sinon, normalement, t'as une coupure à respecter qui est de 1 heure ou 2 heures, ça dépend. Ça dépend de là où tu vas, mais de toute manière, t'es obligé. Le week-end. Non, les week-ends, c'est interdit de rouler. Non, mais la coupure. Non, mais même ça, le week-end, bien sûr. Transportes des produits périssables, genre des réfugiés, des trucs comme ça, tu peux rouler le week-end. Qui c'est qui s'amuse à dire ça? Je sais pas, mais c'est pas mal. Hein. Ouais, mais Capitaine Cure, je crois que je viens de te reconnaître. Alors, regarde, c'est une bonne militaire, effectivement. Ouais, mais alors, Capitaine Cure, au revoir. Bonne soirée à vous, monsieur. Voilà. Bah, Gérard, justement, tu m'as tiré le pain de la bouche. Hein. Avant de virer monsieur Capitaine Cure, je voulais accueillir Pussy Walker de Nantes. Allô? Bonsoir. Salut Pussy Walker. Bonsoir Gérard. Bonsoir. Bonsoir Pussy Walker. Bonsoir. Donc j'appelle des Lentes. Bonsoir Pussy Walker. Fréquence. 106.2, j'ai 45 ans. Non bah... Alors blasé de la vie. Ah je suis bourré. ça arrive. Ricardo. Ouais. Est-ce que je peux te demander la question? Je crois que tu l'as assez répété, hein. Honnêtement, si tu pouvais me la répéter. Quel surnom emploie-t-on le plus souvent en Sibie? Donc là, on a entendu gastro-liquide et gastro-solide. Oui, donc je pense qu'il y a des termes comme tataillé qui reviennent assez souvent. Non, mais ça, c'est des noms de Sibie, ça. Il y a des termes comme bréco, boîte à images, c'est bon? Ah bah il y en a pas mal, hein. Mais ça c'est super. Boîte à caca, ça revient comme disait Ricardo à l'instant, c'est la boîte à images. T'as quoi encore? T'as les papa 22, t'as les papa 22. Bah ouais, les papa 22, c'est des flics. On a en termes CB, on appelle ça en surnom, on dit ça des papa 22. T'as eu des problèmes avec les papa 22? Non, pas encore. J'ai pas eu l'occasion de. C'est une fois quand j'ai prévenu comme quoi qu'ils étaient sur une aire de repos qui nous écoutaient que bon. Hein. Je me suis fait arrêter juste après, mais bon, j'ai pas eu de problème. Je suis dans le camion bleu là, les papa 22, vous m'entendez? j'ai pas eu d'amende, heureusement, parce que j'ai simplement signalé de l'autre côté comme quoi qu'ils étaient là. Et bon, bah, manque de peau, bah, t'as bu un canon avec eux, quoi. Je me suis fait arrêter. Ils m'ont demandé pourquoi que je l'avais signé. Non. Poussé, Meunier, pardon. Non, mademoiselle Meunier, elle est là et on va accueillir monsieur Jolot. Bonsoir. Bonjour, monsieur Jolot. Bonsoir à tous. Bonsoir équipe, bonsoir Gégé. Salut tout le monde. T'appelles d'où? Alors, c'est monsieur Jolot, j'appelle d'à côté de Perpignan. Fréquence. Fréquence. Putain, mais quand je vous demande d'où vous me donnez. 9 fréquence. Voilà. Donc Perpignan. Juste à côté, hein, un petit village Philippines sur Garonne. fais gaffe, parce que tout à l'heure, tu vas pas rester longtemps, toi, je te le dis tout de suite. Bonsoir à tous. Mademoiselle Meunier. Mademoiselle Meunier. Oui. Moi, je connais SCTX. Ouais, mais ça, c'est régulièrement quand t'achètes un TX, t'as tout de suite la question, c'est ça. Si je peux me permettre, GG, quand même, elles sont super plus dures que l'année dernière, tes questions, hein, franchement. Ouais, bah, c'est quand même le numéro 5, hein, quand même. D'habitude, c'était le label. Ouais. Est-ce qu'il y a des extraterrestres routiers? Est-ce qu'ils peuvent faire des bébés camions? Bien travailler les médecins. Ça y est, là, vous vous calmez, là, les auditeurs, quand on parle. Mademoiselle Meunier, on continue. Ouais, tu dors. Ouais, mais ça. Canal de l'urètre. Hein? De quoi? Canal de l'urètre. C'est quoi ça? Tu l'avais embouteillé. C'est un canal secret embouteillé, ouais. C'est quoi comme canal? En fait, c'est un canal qui t'est propre à toi. Ah d'accord, ça m'étonnerait. Il n'est pas très propre. C'est un canal de pisseur. Ça m'étonnerait. Eh, vous faites quoi là, tous les deux là? Je suis vos potes. Eh, c'est pas l'heure de la relève, c'est au prochain disque à la relève. Non, on fait une heure par une heure parce qu'autrement c'est trop compliqué. Donc, à part les CTX et puis là, ce que tu m'as sorti comme nom que je comprends pas du tout. C'est vrai, hein. Il y a aussi. Ouais, tu bonnes, toi. Bon, ben ça, c'est régulier. J'ai bouillave aussi. Voilà, j'ai de bouillave. Bon, Poussy. Poussy. Ouais, c'est Poussy Walker, s'il te plaît. Ok. Allô. Allô. Qu'est-ce qui se passe? C'est Manu qui reprend le standard. Ouais. Ouais. Gérard. Sur IRC, ça monte énormément. On est déjà 9323. Chaud. Ouais, alors, et bah, en fait, c'est un peu tout le monde qui pose la même question. Il te demande ce que tu penses des routiers alcoolos qui s'arrêtent pour picoler sur la bande d'arrêt d'urgence. D'accord. Ça, je répondrai même pas du tout sur ces questions. Mais qu'est-ce que t'en penses? C'est parce que tu te sens concerné. Non, mais même sur les bandes d'arrêt d'urgence, t'as pas. Oh, tu t'écrases là? Il y en a qui le font, hein. Moi, ça m'est arrivé d'en voir, hein, Gérard. Mais pas que des routiers, quoi. Je répondrai après. Manu. Manu. Manu, s'il te plaît, tu me chopes celui. Tu me chopes celui qui fait ça et tu lui dis bonne nuit. On va répondre à ta question là. C'est le plaisir d'enlever cette onde. Un filard. Quoi? C'est pas parce que t'es revenu à l'arrière que tu as commencé ton bordel. Chaud, c'est chaud. Dans le sale, il n'y a pas de port. Bon, ça commence à bien faire, filard. Mais c'était pas moi. Dans le sale, il n'y a pas de port. Alors, Poussy, bon, on peut reprendre. Les gâteaux, c'est pas fait avec de la viande. Poussy. Poussy Walker, ouais. Bon, allez. Ouais, bah alors moi j'y connais rien, le Sibi. Bon, alors moi je te dis au revoir si tu connais rien. Viens pour au revoir, Poussy. Allez, hop, terminé. Allez, hop. Bah, je viens pour Martre. Non, au revoir. Au revoir. Au revoir, je ne te. Je te dis au revoir, Poussy, terminé. Oh non, mais par ordre de question, je ne pas standard. Manu. Tu lui dis au revoir. Je sais pas sur quelle ligne il est. Ouais, bah, faudrait peut-être vous réveiller là parce que vous m'énervez. C'est pas grave, enchaîne. Oh, toi, tu vas pas enculer, connard, et je te dis au revoir maintenant pour de bon. Enfoiré. Ta gueule, salope. Toi-même, connard, au revoir. Enfoiré. Mais c'est ton. Qui a des sons, là? Putain, ça m'énerve. Eh, je vous préviens qu'on est qu'à la quatrième. Je sens que je vais stopper vite fait, moi. Hein. Il y en a 12. Ah, tu fermes ta gueule! Moi, je les coupe, Manu, tu les gères, hein. Bon, allez, hop, on envoie le disque. Fais un petit sondage avant, histoire de calmer tout. Non. Sondage après. On vient d'un sondage. T'envoies le disque et c'est tout, tu t'écrases. Un dasson là, vas-y. Ta gueule. Vas-y, yo. Un dasson là. T'envoies le disque, tu fermes ta gueule maintenant. Un petit sondage sur internet. Tu un sondage. Gérard, calme-toi. Un sondage. Oh, ta gueule. Un sondage. C'est pas le président, c'est toi. Tu fermes ta gueule, toi. Non, j'ai rien. Tu fermes ta gueule, tu prends des gens au standard. Ah ouais. Et toi, Manu, tu fermes ta gueule aussi. Ouais, d'accord. C'est pas le plaisir d'enlever ses tongs. Vous allez pas me faire chier. Ouais, mais avant, fais un petit sondage. Un sondage. Tu fermes ta gueule. Mais allume ton micro, Gérard. C'est chaud. Tu fermes ta gueule maintenant, ok? Oh, c'est chaud. Merci. Et tu vas calmer les auditeurs au lieu de te balader. Attends, c'est juste chaud, avant que t'annonces le disque. Cette disque est calée là qu'on met là? Ouais. Ouais, d'accord. Et vous commencez à me les gonfler pour la première, hein? Oh, merci. Chaud. Oh là là, c'est chaud. Question IRC. Non, on fera ça après le disque. Bon, ok. Alors, sondage. On va s'écouter Thierry Mayfield. Un sondage. Un système GPS pour retrouver mon trou et on se retrouve tout de suite après. L'émission sponsorisée par Miel Poux. Débat Gérard, plus c'est tard, plus ça tue. L'émission sponsorisée par les gâteaux Prince de cul. Et enfin, donc on vient de se. 10 000. On vient de s'écouter Thierry Mayfield avec un système GPS. Non, c'est pas Thierry Mayfield, c'est français. Hein. Thierry Mayfield avec on vient de s'écouter Thierry Mayfield avec un système GPS pour trouver mon trou. Et on se retrouve pour la suite et fin du débat sur les routiers et la CB. Donc vous pouvez encore nous appeler au 0803-08-5000 si vous avez si vous voulez réagir rapidement. Il nous reste encore trois quarts d'heure d'émission. Et toujours le site internet www.fr. Tout à fait. Il n'y a pas plus simple comme. Et on est à combien avant la pub? Ça monte avant la pub, je sais pas, mais maintenant on est quand même à 9743. Ouais. Ça chauffe, hein. Ouais. T'es le meilleur, hein, Gilles. Alors on récupère Ricardo. Oui, salope. Recule-moi, remix de dingue. Et Ricardo, tu t'écrases, s'il te plaît. Ah, c'est pas moi, excuse-moi, j'ai une voix grave. Je viens de te demander, jeudi, on accueille Ricardo. Oui, bonsoir. Rebonsoir, mademoiselle Meunier, rebonsoir. Oui, rebonsoir. Et monsieur Zolo. Bonsoir tout le monde, monsieur Zolo. Et on a qui? Et on a... Salut, Stephanie Winter. Ah, je savais pas. Salut, Sarah. et on a Poussin de Jéhovah. Salut, Sophie de Winter. Nous sommes les Poussins de Jéhovah. Je sens que celui-là, on l'a viré tout à l'heure, mais vous le reprenez. Ok, super. Il a du matos, le gamin. T'appelles d'où? De... Je ne sais pas, sérieux, Manu. C'est chaud. Première porte à droite. T'appelles d'où? Première porte à droite, on me dit. On appelle de... Bon, d'accord, on appelle de Nantes. Bonsoir, Gérard. C'est pas normal, là. Mais sérieux. Une troupe de troubadours. Ouais, hein. Je sens que la bande de troubadours va répondre aux questions, mais sérieusement. Doit-on supprimer les taxes pour les routiers style gasoil et tout ça? Donc on me demande à Poussin avec sa bande de... Arrête tes blagues, t'es trop marrant, c'est gynéco. Fildar, tu arrêtes avec les jingles, s'il te plaît, merci. Trop marrant. Poussin. Bonsoir, c'est Dimitri. Oui. Bon, allez hop, au revoir. Manu, tu leur dis au revoir, comme ça ira plus vite. Au revoir. J'ai la quéquette qui colle, j'ai les bonbons qui font des bons, j'ai la quéquette qui colle, dansons sur le pont d'Avignon. C'est le casse dédié pour toi. Ça, c'est spécial dédié à connerie de Fildar. Ah non, mais toi, j'ai rien touché, moi. Alors, il lève les bras. Zolo. On en parlait aux actualités. Écoute, moi je pense que les taxes, non, parce qu'il faut savoir que quand même déjà les routiers, ils ont le gasoil détaxé là, hein, ouais. On en parle en ce moment. Ouais. Les taxes déjà ils en ont pas, donc je vois pas ce que tu veux retirer comme taxes pour les routiers. Il faut bien qu'ils carrent quand même un minimum, tu vois, genre le péage, les trucs comme ça, quoi. Ils ont dépensé tout leur fric au pute, comme on disait tout à l'heure. Attends, excuse-moi Gérard. Tout de suite, nous rejoignons Gérard. Ah. En direct. Mademoiselle Meunier. En direct des chiottes. Oui. Bon, Fildar, c'est la dernière fois que je te dis, tu arrêtes avec ton bordel parce que tu me casses les couilles, d'accord? D'accord. Oui, c'est moi. Ça commence à bien faire. Bon, de manière. Alors, entre Manu et Fildar, je crois que... Salut, t'es jeune. Bonsoir, Montaillon. Ah oui. Ah bah oui, je suis là obligé. Hein. Vas-y, Gérard. Mademoiselle Meunier. Oui, Gérard. Quand t'arrêteras de faire tes conneries, on verra. Je peux répondre? Ouais, ouais. Je suis pas trop pour détaxer les routiers. Parce que bon, déjà, avec leurs gros camions, ils abîment les routes. Et c'est normal qu'on les taxe. C'est vrai. Et puis, ils polluent aussi quand même pas mal. Donc c'est normal aussi qu'ils soient taxés sur le gasoil. C'est vrai aussi. Et comme je trouve que déjà, ils payent pas beaucoup de taxes, c'est bien que la majorité soit alcoolique pour payer une taxe sur l'alcool. C'est vrai. C'est ça, t'as raison. Ricardo. Eh bien, moi, je suis contre les taxes pour les routiers, hein, parce que c'est quand même des gens qui servent le peuple français, dans toute sa dimension, hein, je veux dire, quand on va à l'épicerie, quand on achète un par exemple, un paquet de pointes de cul, eh ben c'est un routier qui l'a ramené dans son camion. Même à l'évêque. Donc, moi, je suis contre les taxes. Pour les routiers. Voilà. Alors, quand Fildar aura terminé. Non, c'est pas moi. Quand Fildar aura terminé de faire mumuse avec la machine, il me le dira parce que j'ai pas compris du tout ce que Ricardo a dit. Non, Ricardo, répète, j'ai fait une erreur. Non, parce que là, j'ai carrément pas compris ce que tu m'as dit, oui, Ricardo. Bah, je voulais dire juste que j'étais contre les taxes pour les routiers. Parce que le métier qu'ils font, c'est déjà très onéreux. Donc voilà. Onéreux, ça passe, Gérard. Parce que c'est pas dans le contexte. Ça veut dire quoi, onéreux? Non, mais moi, de toute manière, c'est un synonyme de blasé. Alors, moi, je peux vous dire une chose, que si on leur laisse les taxes sur le gasoil, comme c'était d'actualité, là, en ce moment, je peux vous dire une chose, que pour l'instant, ça y est, ça s'est résolu, cette histoire. C'était sur quelle chaîne? Ça a été résolu aujourd'hui, je ne cite pas les chaînes. C'est les pêcheurs, tu mélanges tout. Oh, non, mais même à un moment donné, les routiers, ils avaient prévu de bloquer. S'ils obtenaient pas, comme pour les marins-pêcheurs... Tous les ans, quoi. Oui, mais je vais te dire une chose, que ça aurait fait mal. Tout ça, c'est un prétexte pour tirer des binous et bouffer des merguez avec les potes au milieu de la route. Ouais, mais il faut se dire une chose, que si ça se refait un jour, eh ben on se plaindra encore parce que les routiers nous bloquent les routes. Mais ça, moi, je leur donne raison parce que c'est leur boulot, c'est leur gagne-pain. T'as pas de voiture, donc tu conduis pas, donc tu... Ouais, mais attends, t'as qu'à voir aussi le prix du super à l'heure actuelle. Le prix du routier, c'est énorme. Ouais. Et les routiers roulent pas. Manu, ouais, je voulais accueillir un nouvel auditeur à la place des Poussins de Jéhovah. On a Absolute Pouska. Bonsoir. Bonsoir Absolute. Bonsoir. Bonsoir. J'appelle d'où? T'appelles d'où? De Russie, Gérard. Il a 100 mètres de fond, lui. Ouais. Enfin, on ne trouvera pas. Gérard, par rapport au débat, là. Il y a deux cas à court, hein. Vous étiez en train de parler de grève de routiers. Justement, il y a une question sondage qui en parle. Regarde, pourquoi les routiers font-ils grève, la 4? Alors, ouais, ça, c'est une bonne question. Donc, 66% répondent de rajouter de la sensualité dans mes débats, mais ça n'a rien à voir avec le truc du débat, ça. Mmh. 45% des gens répondent que c'est la seule façon pour eux de se voir à la télé, bah ça c'est vrai, parce que s'ils font grève, automatiquement on les voit à la télé. Oui. Et 55% des gens pensent que c'est pour encore plus se reposer tellement ils sont feignants. Ça c'est faux, parce que c'est pas des feignants, c'est quand même des mecs qui roulent régulièrement et bah oui, mais bon, heureusement qu'on les a. Heureusement qu'on les a pour que les magasins soient ravitaillés, parce que sans eux, on ne boufferait pas. Nous aussi, on roule. 98% des gens pensent que moi, j'étais un faux routier avec une fausse CBI. Ouais. Puis Pierre Pisse, ouais, mais ça. Surprise, ouais, ouais, c'est ça. Enfin, bref. Pas de marque. Bonjour, c'est Eddie Mitchell. Combien de temps face en route? Combien de temps? Et je vois, qu'est-ce que je vois? Bon, ouais, tu fermes ta gueule, toi, là! Merci! C'est Dave Bond, descends Marseille, je vais te faire voir ce que c'est la vie. Oh, tu es super! Fildard, c'est le dernier jeudi que tu feras à l'AREA. Le dernier, le premier, le dernier. Ça sera la seule fois que je te le dirai. Et dès le 22 septembre, tu ne seras plus à l'AREA. Bon, Gérard, il y a. Terminé. Tu auras pas les JO. Une petite question de Manu sur l'IRC, un certain Manu. Il te demande si t'es déjà arrivé de t'arrêter pour vérifier le niveau de graisse de ton poids lourd avec ta petite jauge. Ça sert quelque chose, parce que c'est impossible. De quoi? Ta petite jauge? Quand Fildard aura fini de se faire ses petites conneries habituelles, il nous fera signe. Donc comment ça se passait avec ton poids lourd? De toute manière, les jauges, c'est de l'huile, et donc tu les contrôles au départ. Par contre, Anka, un conseil que je te donne, tu arrêtes de dire ça aux auditeurs avant que je te vire du studio. Elle dit quoi, Gégé? Qu'est-ce que c'est ce truc? Ouais, qu'est-ce que c'est? Si tu t'amuses à dire ça. Les auditeurs, ils le lisent pas. Dis aux auditeurs que. Que tu es bourré. Mais Gégé, t'es trop loin pour que je te sois. Non, mais moi, je suis trop loin là. Non, mais moi, je me bouche le nez de l'intérieur. Combien de temps passe un routier sur les routes? Et je vois, qu'est-ce que je vois? Papa qui déconne. Éteins-moi le micro là, je veux plus qu'il soit allumé. C'est quoi ce mot? Qu'il soit. C'est transitif. Qu'il soit transitif. Avec un gueux. Faut qu'il soit éteint. Ça sera, c'est ton dernier avertissement avant le 22 septembre. Aïe, aïe, aïe. Salut, Jeanne. Salut. Combien de temps passe un routier sur la route? Ricardo. Un routier sur la route? Bah en fait, ça dépend où il va. Un routier à Jeun? Voilà. Meunier, tu t'écrases parce que tout à l'heure tu vas aller dormir. Mais en fait, il faut que tu mettes la question dans le contexte. Et il va où le routier? Il faut. Combien de temps? Combien de temps passe un routier sur la route? Allez, 10 heures, banco. Ah, 10 heures, t'es... Alors toi, 10 heures, ok. Voilà. Meunier. Mademoiselle Meunier. Si je veux. Bravo. Bravo, Gégé, tu l'as bien cassé. Voilà, tu l'as bien cassé. Tu m'as bien niqué, là. Ouais. Oh, tu réponds, je te vire. Je te dirais 2 heures, il s'arrête une demi-heure, 2 heures, il s'arrête une demi-heure, 2 heures, il s'arrête une demi-heure. Et il peut faire ça plein de fois dans la journée. D'accord, alors pour toi 2 heures, c'est pas mal. Ça aligne grave. Hein. Zolo. C'est plus. Zolo. C'est plus. Ouais, tu réponds ou je te vire? C'est moi. 8. Bon allez, Zolo. 8. 8 heures, bah allez, c'est ton dernier mot. Absolu. C'est mon dernier mot. C'est bon, que se dit? Absolu. Absolu. Ok, absolue. Super. Bah moi je pense à 15 heures. Facile. Hein. Que c'est des choses ces mecs-là. Eh ben, alors le juste prix c'est combien? Non bah je peux vous dire une chose qu'il part. Laquelle? Il fait plus de 15 heures de conduite par jour. En une journée. Ah ouais. Ah ouais, par semaine il fait plus. Hein, ouais, je peux vous dire. Par semaine un truc comme ça. Plus même. Hein, parce non, que, pas, non. C'est plus. Ah, il arrête le samedi à 22 heures. Il hein. Y a quand même 20 heures. Sauf de boire Buffy tranquillement. Sauf pendant les JO. Non, sauf là pendant les retours de vacances, normalement ils sont plus loin, ils ont pas le droit de conduire. Après, ils enchaînent, après téléfoot. Ouais, c'est ça, t'as raison. Attends, est-ce que tu comptes le temps qu'il faut pour décharger aussi là-dedans? Non, mais ça. Ça prend du temps, je sais, il y a des précoces, mais. Ça dépend si tu décharges à la main. Non, non, mais ça, faut se dire une chose. Tu te faisais aider, toi, GG, quand t'étais routier, tu te faisais aider pour décharger ou pas? Tu déchargeais tout seul à la main ou... Non, c'est... C'est souvent déchargé. Non, c'est eux qui voulaient... Bah, on continuera le débat quand... C'est la balle, ça. Pas une promo, là. Quand Fildar arrêtera ses conneries, on verra. C'est pas moi, on est piraté, là. Non, non, mais c'est toi qui t'arrêtes pas depuis tout à l'heure. Hein. Donc, moi, j'ai dit, de toute manière, ils font plus d'or que certaines personnes, hein, je peux vous le dire tout de suite. Ils partent le matin à 6h et ils rentrent, ils sont pas toujours chez eux. Hein. Oh, le taf. Gérard, il y a une question bizarre de Max296, il voulait savoir si tous les routiers finissaient un jour en cure de désintox. Je répondrai pas à cette question. Attends, moi j'ai une question d'ailleurs, comment tu fais pour aller dans les Alpes avec le camion? Parce qu'il y a des petites routes, ça tournicote, il y a de la neige. Bah, c'est ça, aller faire des intoxiqués avec le camtar, c'est chaud quand même. Bah, c'est ça le test. Hein. C'est qui pose cette question con? C'est monsieur Jolo. Ouais, bah monsieur Jolo, je te dis au revoir. Pourquoi? Parce que t'as pas besoin. C'est une question comme une autre. Hein. Bah non, mais même. C'est une bonne question, moi je trouve. Ah, c'était intéressant. Bah oui. Non, non, c'est vrai, les routes elles sont sinueuses dans les Alpes. Ils sont bourrés quand ils y vont, ils sont pas encore désintoxiqués, donc quand ils y vont, ils sont encore complètement bourrés. Tu vois. Eh ben alors Zolo, je te dis au revoir, ce coup-là, t'as là, pas. Si, là, tu peux. Ce coup-là, je te dis au revoir. Là, bonne nuit. Peux. Bonne nuit. Je les ai vus. Alors, j'ai quelqu'un juste avant que tu poses la question à la place de Jolo. On accueille Dev Superstar. Bonsoir. Bonjour Moussaillon, c'est les innocents. Elle est mignonne. Salut GG, c'est Dev Superstar. Je suis routière. Salut Dev. T'appelles d'où? Comment? T'appelles d'où? J'appelle de Rouen, ma grande. T'énerve pas. Toi, oh, tu me parles sur un autre nom, s'il te plaît, merci. Appelle de Thierry. La fréquence de Rouen? 96.8. Putain, j'en ai marre de poser sans arrêt les mêmes questions. Bah, arrête. Arrête de faire 5 débats. Alors, 7e question. Depuis quelle année peut-on communiquer avec la CB? Quoi? Depuis quelle année la CB existe-t-elle, pardon? Quoi? Moi, je sais pas. Tu te fous de ma gueule ou quoi, toi? Oui, oui. Oh, putain, ici. Eh, vous me les calmez au standard, là, ou quoi? Anka, je suis un peu seul. Attendez, j'ai rien fait là. Anka, je te signale. Non, je trouve ça un peu facile de s'acharner. Non, mais moi, je vais te dire une chose. Depuis tout à l'heure, je suis en train de poser des questions. Je regarde en même temps ce qui se passe sur l'internet. Je regarde ce que Pildar fait. Et depuis tout à l'heure, qu'on pose des questions. Ça fait la deuxième question qu'on a repris. De radio. Oh, t'arrêtes, s'il te plaît. Ah, il faut, de toute façon, il en fait. Parce que là, faut te dire une chose, Anne-Cath, que pour l'instant, c'est pas toi qui trouve les auditeurs. Là, depuis tout à l'heure, t'es au téléphone. Mais comment c'est Manu qui va pas coopérer? T'es au téléphone avec son mec. T'es au téléphone et tu prends personne. Hein. Alors, un conseil que je te donne, ou tu prends les auditeurs, ou tu vas d'autre côté, et c'est tout. Parce que si c'est pour travailler comme ça lors des débats, c'est pas la peine, c'est pas du boulot. Sois pas méchant comme ça avec moi. Non, mais moi, c'est pas du boulot. Tu commences, on avait fait. Attends, elle commence en été. T'avais déjà fait un essai le 28 juin, je t'avais prévenu. Je t'avais prévenu le 28 juin qu'à la rentrée, je voulais pas que ça se passe comme ça. Apparemment, tu t'as l'air de te foutre de la gueule du monde. Eh ben, le 22 septembre, tu ne seras pas au standard. Terminé, c'est tout ce que j'avais à te dire. J'ai une idée pour réconcilier tout le monde. Monte-lui tes seins. Depuis quelle année existe la CB? On va demander à Ricardo. Bah écoute, moi j'ai pas les chiffres, hein. Et je reçois pas en plus. Non mais donne une année, une date. Je pense que c'était après la guerre, si je me trompe pas, non? Bah, le début de la radio, quoi, 82. Dev. Bah écoute, moi je dirais vers à la naissance du Tokiwoki. Ouais. Bon, ça nous ramène vers 1800. Ouais, n'importe. Attends, je retiens 4. Ouais, non, mais on s'en fout là de tes conneries. Attends deux secondes, j'arrive pas à me concentrer. Oh, non, pas chiante. Dev Superstar, au revoir. Mais pourquoi? Allez, bonne nuit. Oh là là, quelle école ce soir. Ouais, bah, toi-même, connard. Une poufiade ce soir. Oh, Pildar, tu me laisses un peu de son dans mon micro là. Bon, Blaireau, tu me la poses ta question? Meunier. Mademoiselle Meunier. Si je veux, je t'ai déjà dit tout à l'heure, je te rappelle comme Dev Superstar, je vais te dire au revoir. Au revoir. 1954. D'accord. Ricardo. Encore déjà posé. 36. Alors moi je peux vous dire, à quelque chose près, ça existe depuis 1975, terminé. Ok, voilà, terminé. Comment tu le sais ça? T'as vu ça dans un dico? Non. Bah t'as vu ça où? Bah parce que ça existe à peu près environ depuis 75, parce que ça a bien été bien avant. Mais te dire la date exacte, je peux pas. Eh bien gamin, peut-on avoir une CB dans son appartement? Ricardo. Quoi? Bon, Fildar, je arrête. Quoi? Tu commences à me casser les couilles avec ton son de merde. Ça va pas toute la saison comme ça. Mm. Hein, parce que tu m'énerves sérieusement maintenant. Ouais. Ça commence à bien faire. Il y a que toi qui fous ta merde. Hein. Et c'est tout. Ça a été tous les ans comme ça. Fous ta merde. Hein. Toujours. Ricardo. Ouais. Ouais, alors, tu peux avoir une. D'ailleurs, c'est recommandé d'avoir une CB chez soi. Hein. Non. Non? Fildar, tu arrêtes avec le double son! C'est pas du double son, hein? Je sens que Fildar, ça va mal se terminer. Ouais, mettez-moi de la réverb que je triple. Ricardo! Je peux pas, mon pote. Ricardo! Sans eau! Non, mais je te disais qu'on peut avoir une CB dans un appartement. D'accord. C'est recommandé pour faire des connaissances. Je vais t'en foutre une dans le cul, Sibi, tu vas voir. Allez, jette-moi de ton débat pour Rave. Ouais, bah, au revoir, Ricardo, comme ça. Non, c'est pas moi, écoute les voix, là. Allez, Ricardo. Non. Écoute bien, Gérard. C'est Absolute. Absolute. C'était moi, Absolute. Allez, Absolute. Absolute. J'ai soufflé une radio. Moi, je suis avec bien. Non, mais Fildar, t'as l'intention de faire chier tout le monde jusqu'à quelle heure, là? Bah, 2 heures. Mais t'es vraiment un PD pas pourri, toi. Non, il est... T'es vraiment une pute, hein. Oh. Oh. Ah, c'est jeune, fais-nous vibrer. Encore et encore. Bon, Anka, on peut savoir qui c'est qu'on va avoir comme auditeur, enfin Ricardo et Meunier. Je suis en train de faire le point sur les appels. Ah ouais. J'ai du mal à m'en sortir parce que il y a eu beaucoup d'appels. Depuis minuit qu'on a pris l'antenne, depuis minuit, t'es en train de t'amuser à me chercher des auditeurs qu'on n'a pas encore sur l'antenne. Alors, c'est pas mal. Je t'ai sauvé la vie plusieurs fois parce qu'il y a quand même énormément de personnes. Ouais. Il t'avait fait avec le camion. C'est ça. En attendant, là, justement, on pourrait faire. Si Rigo, t'as une question, vas-y. Hein. Oui, j'ai une petite question d'un routier, bizarrement, qui s'appelle Perfora, lui aussi. Il te demande, parce qu'il n'est pas tellement au courant, il n'a pas encore passé son code, si le petit autocollant 80 ou 90 derrière le camion, c'est le QI du conducteur ou le taux d'alcool dans le sang. Alors les autocollants 80-90 qu'ils ont derrière les camions, c'est des trucs de limitation de vitesse. C'est-à-dire qu'ils peuvent pas aller en dessous de 80, ils sont obligés de speeder. De 90, ils ont pas, ils peuvent pas parce que les mouchards sont bloqués. C'est pour ça que c'est à cause d'eux qu'il y a que des problèmes sur la route. Ça sert à rien, GG, les autocollants. Non mais t'en as, Je les ai vus, ils sont pas tous. Ceux que tu vois là, que tu veux me dire, c'est ceux qu'on style Serman et tout ça. La Cernam. L'émission sponsorisée par Miel Poops. Donc il nous reste Ricardo Meunier. Après, on a Total Pina qui nous rejoint. Il appelle d'où lui? Bonsoir GG. T'appelles tout? J'ai 30 ans, j'appelle de Hameau Cocadis sur Loire, c'est 116.6 la fréquence. Salut Total Pina. Bonsoir tout le monde. Salut. C'est tout? Ouais, bah ouais. Allez, Anka, tu te dépêches. En attendant, fais une question de sondage, il reste une. Là, les routiers de la CB sont-ils nécessaires? Ça peut être sympa la 3. Non. Alors 70% disent oui car c'est le cool. Non mais putain, tu sais pas lire. Hein. Ta gueule. Mais c'est vrai, tu sais pas lire. Mais tu fermes ta gueule, c'est pas tes sondages, c'est pas tes débats, c'est les miens, d'accord? Ouais, mais tu fermes ta gueule. Les sondages que tu lis, c'est pour les gens. Mais tu fermes ta gueule, c'est tout. Ouais, laisse faire l'illettré. C'est tout. Alors vas-y. Alors 70% disent oui, car ça reste cool, Babis, sinon je te dirais bye-bye, c'est pas mal, c'est le sondage que vous me sortez. 33% répondent oui, car sinon on ne pourrait pas commander de la couche à domicile, ça c'est complètement con. Ça c'est bien des pour Fildar. Le sondage de la Manu, 23% des muets me disent par écrit de fermer ma boîte à crottes, ben ça ils vont fermer leur gueule eux-mêmes. Bah tu sais, des muets ils vont pas trop la ramener. Hein. Et toi, tu vas fermer ta gueule, ça vaudra mieux. Ma boîte à crottes. Et 18% me répondent que non, car c'est périmé maintenant, il y a Internet. Et c'est vrai que même de toute manière, la CB existera. Ouais. Même les routiers, ça sert à rien, les routiers. Sur Internet, tu peux commander ta bouffe. Tu te connectes à casino.com et tu commandes ta bouffe, t'as plus besoin des routiers. C'est de la pub à casino.com. Peut-on avoir une CB dans son appartement, mademoiselle Meunier? Putain, il l'a appelé mademoiselle. Non, c'est pas obligé. Non, mais est-ce qu'on peut pas... Allô ? Ouais ? Oui, je t'entends plus du tout, là. Bah parce que Pildar, il fait le con avec... Non, pas du tout. Hein. On t'entend plus, c'est comme ça. Ils entendent plus Gérard, là. Mais si, ils entendent Gérard. Racheter un standard. Allô ? Au lieu de donner des sous à Arthur, là, racheter un standard. Bon, Meunier, là. Mademoiselle Meunier. Si je veux. On n'est pas obligé. Ok, qui c'est qu'on a Il y en a même plus qu'en fait, c'est pas une obligation. Bah, il y en a qu'on ont, il y en a qu'on n'ont pas, hein, ça dépend. Il y en a qu'on ont, puis il y en a qu'on n'ont pas, mais je suis curieuse de voir un cibiste se servir d'internet, quoi. Avec toi, t'en as dans ton cul. Total Pinas, Non. Tu réponds à la question ? Il y a erreur. Moi, je pense que c'est envisageable. Dans la mesure du possible, je pense que c'est envisageable. Ça peut aider, quoi. De toute manière, je pense qu'il y en a beaucoup qu'on ont. Hein. Il y en a beaucoup qu'on ont. Moi, je sais que j'en avais une avant. Ma zoom, zoom, zem dans ta benz, benz, benz. Non, mais y en a qui se sentent bien, là, ce soir, ou quoi, là? Ah non, on est foncés, franchement. Je crois que... Hein ben, on croit que c'était une réunion des alcooliques anonymes. Tu t'écrases, parce que tout à l'heure, je vais te dire au revoir, quoi. Il montait sur moi, c'est tout. Alors, neuvième question. Oui. À votre manière, j'ai répondu à la question, donc c'est bon. Merle, quand tu vois ton neuvième bas, question. Ça me rend zen, zen, zen. Oui, Gérard. Kiffe, bon Gérard, t'en vois ou pas là? Pildar, quand t'arrêteras un peu de faire ton bordel. On voit. Il est question là, le manouche. Le manouche, il t'emmerde, Total Pina, d'accord? Ouais, ok, tranquille. Ça tout à l'heure, je vais te dire au revoir, ça va aller vite, toi. Joby, Joba, la la la la la la la la la. Bon, Ricardo, au revoir. Non, pas du tout. Hein. Au revoir. Écoute bien ma voix. C'est Total Pina, je crois. Non, du tout. Ça commence à bien faire, vous allez les calmer pour la dernière fois. Ouais, ça commence à calmer. Ça va te calmer dans ton cul. Ah. Bon, Total Pina, au revoir. Non. Au revoir. Ça y est, il est parti. Quand Anka aura trouvé des auditeurs, Manu, tu me feras signe. Et ça, apparemment, c'est que toi qui les trouves. Ah ouais, je suis un boss. Alors, je sais pas. Standard, tu vois. Je sais pas pourquoi qu'a fait les débats si adore au standard. Hein. Mais laisse-la, là, un petit peu. Ouais, non, mais attends, le jeudi, c'est moi qui décide, donc si je dis qu'elle travaille pas, elle travaille pas pour moi. Elle travaille. Je suis désolé. Question IRC. Gérard, il y a Kérosène sur l'IRC, il voulait savoir si les routiers, ils ont droit de consommer un peu leur cargaison, comme toi quand tu transportais de l'agneau. Comment ça? Bah, je sais pas, il a l'air bien informé en tout cas. Ouais, j'ai transporté des godes. Il a consommé. Non, même pas. Non, plus donc. T'as même pas consommé. Vas-y, finis. Non, mais dis. Oui, je voulais accueillir un auditeur, mais vas-y, finis. Donc, personnellement, non, t'as pas le droit de garder de la marchandise après. Ah, mais tu peux prendre comme un pourboire. Non, t'as pas le droit. C'est le client qui te donne ce qu'il veut, et les trois quarts du temps, les routiers, ils ont rien du tout. Mais s'ils te lâchent 3-4 bouteilles, tu vas les piquer. Non, même pas. Non. T'as pas le droit parce qu'ils contrôlent quand même tout avant. Hein. D'accord. Ouais, mais Manu, je voulais accueillir un nouvel auditeur, donc il a un nom, je sais pas, j'ai eu un peu de mal, il s'appelle Pourx. Ah, je sais pas. Bonsoir, Gérard. Bonsoir. Salut Pourx. Voilà, j'appelle de Paris, j'ai 22 ans, et je suis policier. 1.9. Policier civil, hein. Je fais mes opérations sous-marins, tout ça. Alors, la question, a-t-on le droit de communiquer avec la police en Sibérie? On va demander à la Meunier. Mademoiselle Meunier. Bon, allez, hop, tu m'emmerdes et ça... Gérard, tout à l'heure, tu l'as appelé Mademoiselle Meunier. Allez, hop, comme ça, terminé, au revoir. Terminé. Qui? Mademoiselle Meunier, tu lui dis au revoir, terminé, appelle, c'est appelle fini. Appelle sa mère, appelle madame. Hop, ça y est. Ouais. Terminé, apparemment, d'après ce qu'on voit, il nous reste que Ricardo et Pource. Tout à fait. Mais tu sais, je me sens un peu seul, hein, tu vois. Non, mais c'est ce que je m'aperçois que pour l'instant. Non, parce qu'un cas, rien. Tu t'aperçois que ton cul, ouais. Ouais, bah, je crois qu'on va s'arrêter là. Bah, t'es où? Bah, non, les questions, elles sont où? Bah, il en reste encore 4. Donc, c'est un sondage. Non, il n'y a plus de sondage. Il n'y a plus de sondage. Tu t'occupes pas s'il y a des sondages, t'occupes de prendre les auditeurs. Ton job, c'est de prendre les auditeurs au standard, c'est tout. C'est tout, parce que là, je travaille pas avec deux auditeurs maintenant. Il y a des questions IRC? Oui, énormément. Bah, on va prendre la question IRC en attendant. Il y a Buzzin qui voulait savoir si l'homosexualité de tous les routiers est un défaut pour conduire. Non, pas si. Si oui, comment? Non, de toute manière, t'as pas besoin d'être homosexuel pour conduire un camion, c'est quoi, ouais, c'est en plus, faux. Ils ont des sièges en mousse maintenant. Hein. Ça dépend des camions. Hein. Et il y a Faye Drota qui voulait savoir, les camions qui transportent de l'essence, est-ce que c'est comme les avions pour le ravitaillement? Alors ça, justement, ce permis-là, c'est un permis spécial pour transporter de l'essence. C'est le APTH, donc pour avoir l'APTH. Ça veut dire quoi, APTH? C'est de, pour les transports... Non, mais ça veut dire quelque chose, APTH. Ouais, mais je sais pas ce que c'est exactement. Forcément. Donc, ça, c'est un permis qui est assez compliqué à passer, parce que... Tu l'as pas eu, toi? Non, mais moi, ça m'intéressait pas de le passer, je l'aurais pas accepté. T'avais pas le même genre. C'est trop dangereux. C'est trop dangereux de conduire un camion comme ça, parce que t'as trop de responsabilités. C'est trop fort à avaler l'essence. Non, puis même, t'as l'odeur d'essence, quand tu rentres chez toi, t'as l'odeur. Tu me diras, ça masque la tienne un petit peu comme ça. Grave. Ouais, non, mais c'est pas une raison. Ça a rien à voir avec le débat. Anka. Bonsoir, Philippe. Elle sur quoi, putain? Elle sur quoi, Gigi? Merde. Attends, tu prends des auditeurs, je ne continuerai pas le débat. Tu prends des auditeurs. Attends, Gérard, toi, t'as peut-être une lac qui fait que ton casque tient dans tes cheveux, mais moi, je suis obligé de me reconnaître. Moi, je ne veux pas le savoir. Le casque tombe, j'entends plus les auditeurs. Il est 2h20. Je ne peux pas savoir si ceux qui sont en train de m'appeler, ils vont pas redire les mêmes conneries. Il est 2h20, tu prends des auditeurs tout de suite. Gérard, excuse-moi, okay. je me suis absenté 2 secondes parce qu'en fait, je suis allé... Je vous ai apporté des bonbons. Oh, c'est gentil, mon pote. On va t'arrêter. À la fraise. Bon, on ira tous au paradis. Tu mets un disque, on ira. Mais Fildar, tu t'envoies un disque? On va attendre que... Oh! Pas de moi! Je te dis, t'envoies un disque, on va attendre Can-Can. Non, mais j'en ai un. Là, non, c'est bon, tiens! J'ai El Château, oui, on va envoyer un disque. J'ai El Château. On l'accueille et puis on le verra après. Voilà, qu'est-ce que t'as? Alors, El Château, t'appelles d'où? Des Saintes-Maries de la Mer, et on écoute Fun sur 115.5. Bonjour tout le monde. Pieds dans l'eau. Salut El Château, je sais pas si t'as écouté l'année dernière quand on faisait des débats, on a parlé de Saintes-Maries de la Mer parce qu'il y a le festival des Gitans là-bas. Tout à fait. Non, mais c'est déjà fini. Oui, mais c'est tous les ans. Alors, la 9e question avant qu'on envoie le disque, c'est: a-t-on le droit de communiquer avec la police en civil? Et on va s'écouter. Mais quoi? A-t-on le droit de communiquer avec la police en civil? D'accord. Et on s'écoute Jimmy Page jaune et Robert Plante verte avec le God de Azila. Et on se retrouve pour la fin du débat sur les routiers. À tout de suite. Les débats Gérard, plus c'est tard, plus ça tue. C'est quoi cette émission sponsorisée par l'hôpital Maxime Le Forestier? Et on vient de s'écouter Julien... non, c'est même pas celui-là. Non, c'est pas celui-là, c'est Jimmy Page Blanche. Et on vient de s'écouter Jimmy Page Jaune et Robert Plante Verte avec le God Azila. Et on se retrouve pour la suite et fin du débat. Oh bah, Michael arrive que maintenant, la feignasse. Non mais ça, c'est pas là. Ouais, là-bas. Gégé, avant que tu reprennes le débat, moi je passe un message à toute mon équipe que j'aime. J'ai des petits Kleenex à la menthe. Et je pense que devant le nez, c'est un régal, surtout à 1h44. Alors, comme le dit le jingle, servez-vous mes potes. Et sniffer, ça fait un bien. Oh putain, merci mon Dieu. On va le mettre là au t-shirt. Je suis un peu impair pour vous. Aïe aïe aïe. Oh, ça fait du bien. Ça y est, vous avez fini vos conneries, merci. Bah, excuse-moi. Attends, on récupère Ricardo. C'est un peu comme dans les Ricardo. Ouais, bonsoir. J'ai bien kiffé le Ace of Base avant là. Et pour que... Ouais, je suis encore là, ouais. Et El Château, pour terminer là. Moi, je suis toujours là, je veux bien un petit Kleenex, là, moi. Et a-t-on le droit de communiquer avec la police en civil? Interdit, gamin. C'est qui? Verboten. Tu calmes direct. Reste tranquille sur le bas-côté, là. Ouais. Tu mets tes mains sur le capot et tu vides tes poches, là. Bon, étant flic depuis 2 ans, Gérard, je peux te dire que c'est strictement impossible, hein. C'est interdit. Voilà. Ok. Voilà, donc, tu te calmes maintenant. C'est pour que... Ouais. Qui répond, bah moi je peux te dire que... Attends, je joue pas au con avec moi. J'ai déjà eu l'occasion de discuter avec des flics en civil, je te signale tout de suite. Ricardo. Non, c'est faux. C'est Ricardo. Faux. Oui, non, mais je pense que c'est faux. C'était Leader Price, mais c'était pas... Non, tu peux pas discuter avec ces gens-là. Ouais. Voilà. Même que ce soit à CB ou que ce soit comme ça, de vis-à-vis. Moi j'ai eu beaucoup de problèmes avec de visu. Et le château. Ouais, c'est vrai que c'est chaud même de visu. Moi je dis faut se méfier parce que t'as pas le monopole de la bavure et on n'est jamais à l'abri quoi quand même. C'est vrai. Non mais de toute manière je peux vous dire que moi j'ai quand comme je l'ai dit tout à l'heure quand j'ai prévenu comme quoi qu'ils étaient là-bas ils avaient quand même la cibier parce qu'ils ont ils m'ont chopé 5 mètres 5 500 mètres plus loin. Alors donc, tu faisais quoi? Donc, c'est un gros gars qui démontait un pneu. Donc, ils ont bien la CB avec eux. Donc, en principe, c'est autorisé. Hein. Allez, pour il reste deux questions et après on fait la. Attends, il y a un truc au standard là. Regarde. Gérard. Manu. Regarde-tu là. On va accueillir Michel qui appelle de Suresnes. Allô. Ok Michel. Bonsoir Michel. Allô, bonsoir. Salut Michel. Ok Michel. Salut, Michel. Est-ce que je pourrais parler à Gérard, s'il vous plaît? On te le passe. Ok, super. Michel, Gérard, c'est pour toi. Allô, aimez-vous le métier de routier en famille? On demande à Michel. Ah oui, alors écoutez, excusez-moi, mais je crois qu'il y a eu une petite erreur. En fait, je suis responsable du magasin Nicolas à Suresnes. Et je voulais savoir ce que je faisais de votre commande passée il y a au mois de juin. Ah, pas au revoir. Pardon? Au revoir. Attendez, excusez-nous, mais... Au revoir. C'est quoi la commande? Merci. Oh ben vous êtes gentil vous. Au revoir. La commande c'est des bouteilles de bienvenue, vous savez ces bouteilles en plastique. Oh, tu lui dis au revoir Manu, il y a de la femme. Attendez, il y en a quand même. Oh ta gueule. Je te dis au revoir. C'est quand même, écoutons, vous poursuivrons en justice, hein. Faut quand même vous le sachiez. Au revoir. Vous étiez bien content de terminer le reste. Au revoir. Une bouteille. Manu, tu le coupes. Passer après le travail. Tu le coupes. J'hésite. Tu le coupes et t'hésites pas ou bon, sinon... Écoutez, merde, vous honorez... Manu, tu lui dis au revoir et c'est terminé pour lui. Je sais pas trop quoi faire. Bon, elle est terminée. Conclusion du débat. Ça y est, il est parti. Manu, c'est la dernière fois que je te préviens. C'est la mienne. Enchaîne. El Sato. Attends, j'aiguise. Ouais, écoute, le patron qui accroche un peu. Hop là. C'est quoi la question? Parce qu'avec tout le bazar, j'ai oublié mon GG, excuse-moi. Aimez-vous le métier de routier en famille? Et ça sera la dernière question du débat. Le métier de routier en famille, moi déjà j'ai une grande famille, donc effectivement on se déplace toujours en famille. Par contre, rapport à ce que tu as dit tout à l'heure, effectivement on n'a pas le droit d'avoir de passagers dans le camion. Non mais donc en fait, moi j'ai essayé de les mettre dans la boîte à gants, mais c'est chaud quoi, tu peux emmener le petit, mais tu peux pas prendre beaucoup de monde, donc le métier de routier en famille c'est pas évident quand même. Mais Gérard, comment tu peux, donc si t'as pas le droit de prendre des gens dans le camion? Même si c'est ta famille, t'as pas le droit de prendre des gens. Non mais, ce qui veut dire, aimez-vous le métier de routier en famille, c'est-à-dire que ça peut très bien être du mari, de la femme et... Devant ton micro. Et plus tard par les enfants. Hein. Moi je sais. De père en fils. Ouais, voilà. On avait un SMI de portefeuille en cuir. Bon, et ça tourne, t'as 5 minutes. Par les motards, parce que je tractais la caravane avec le camion. Et ils m'ont mis une amende. D'accord. Oh, les salauds. Manu. Oui, je voulais accueillir Martini. Bonsoir. Bonsoir, c'est Martini. T'appelles d'où? On the rocks. J'appelle de Bourges. L'après. Eh punaise, mais vous pouvez pas me donner. Vous pouvez pas donner. Bourges. 114.5. Voilà. Vous pouvez pas donner les fréquences. J'ai demandé. Ouais, je demande, mais j'en ai marre de les demander cette année. On va pas faire que ça de demander les fréquences constamment. Vous allez les donner une bonne fois pour toutes et ça va être terminé. Martini, donc, pour toi. Oui, tu peux me répéter la question, s'il te plaît? Et voilà, ça m'aurait étonné. Voilà. Gérard, regarde ce qu'elle fait, Anne, qu'elle dessine. Bien, Gérard, c'est un dessin de toi. C'est pas une case, c'est Manu. Gérard! C'était une surprise pour toi. Mais tu lui as pas fait toutes ses dents. C'est un joli panier, là, tiens. Aimez-vous le métier de routier en famille pour Martini? Terminé, après, je répète plus les questions. Mais qu'est-ce que t'appelles en famille? On vient de le dire. Ben oui, mais j'entendais pas, je te rends peine. Donc, c'est-à-dire de père en fils, avec, le mari, la femme et les enfants, donc c'est comme ça. Et si, par exemple, il y a un mec qui est routier, bon, imaginons que Jean est routier, son fils ne veut pas être routier. Il peut, hein, parce que de toute manière, ça dépend, hein, tout le monde ne veut pas... Il n'est pas obligé d'être routier. Non, s'il veut faire autre chose, il fait autre chose. Hein. GG, oui. Tu parles de la famille, du métier de routier, tout ça. Toi, si tu avais une famille et si tu avais un métier, tu concilierais les deux ou pas? Bah disons, s'ils veulent devenir routier par la suite, moi moi ça me dérange pas. Hein. Ouais. Non, t'as pas fait comme ta mère. Ta gueule, quoi. Qui c'est qui posait cette question? C'est une affirmation, je crois. Ouais. Donc, Pourche. Ouais. Martini, c'était... C'est bon? Non, je te demandais juste que tu entendais par famille. Je trouve ça un peu compliqué d'emmener ses enfants dans un camion, puis c'est dangereux, non? Mais t'as une caravane. Mais non. Comme nous, les gens du voyage, ils tu mets une caravane. Ils vont foutre les gamins d'aller mais non, dans un camion. Mais c'est pas ça qu'on a dit. Fildar, il a très bien compris. C'est Fildar, non, laisse Fildar. Non, mais c'est de père, de père en fils. C'était moi. Hein. Ouais. De père en fils, c'est ça que je veux dire. Ouais. En famille, c'est de bien. Père en fils. Ouais, c'est ça, s'il veut dire. Ouais. Ouais. Alors, Martini, donc c'est bon ? Bah ouais, si tu veux, ouais. Mais c'est bon, Martini. Ouais. C'est clair, mais pas pour toi. Ouais, bah moi, j'ai pas trop envie que mon gosse, ça devienne un blaireau camouette. Donc, non, en fait, il n'y a pas moyen que ce soit un routier ou que j'accompagne sur la route, quoi. Ah, c'est non, mais. Il n'y a pas moyen. Ça peut arriver, hein. Ricardo, pour finir. Oui, bah moi je pense que si j'avais une famille, si j'avais un camion, moi j'irais le dimanche après-midi à Fontainebleau. Et après j'achèterais un gun et je mettrais une grosse balle dans ma tête. Ça c'est plus. Non mais c'est plus d'art qui s'amuse, n'ayez pas peur. Bon alors. On n'a pas peur, hein. Moi je peux. Comme j'ai dit, de toute manière, moi ça me dérangerait pas si un jour j'ai un enfant qui veut devenir routier. Fildar, s'il te plaît. Bon, allez, terminer, conclusion du débat. Gérard, non, Gérard, calme-toi. Non, Fildar, travail de PD. Travail de PD. Ouais, Oui, Gérard, il y a Faye de Rotin qui voulait savoir si, quand une famille voyage en camping-car, elle est considérée comme routier en famille. Non. Camping-car, c'est du VL, donc ça n'a rien à voir. Ça signifie quoi, VL, parce que... Véhicule léger, ça n'a rien à voir avec le poids lourd. T'as pas de VL chez toi. Et ta connerie, elle n'en a pas. Ta connerie, elle n'en a pas. C'était pas une affirmation, c'était une interrogation. Non, mais moi, je te demande si ta connerie, elle n'en a pas. De quoi? Dans quel but? Sinon, il y a Checkmate le routier en direct de son camion. Il est d'ailleurs sur la A12. Il voulait savoir combien de jours met un routier pour aller de la France aux States par la route. Aux States, c'est-à-dire aux States. Aux States. Aucune idée. Aucune idée. Et par la route, tu penses que c'est long? Je peux pas te dire parce que je sais pas où c'est. Alors, en plus, il précise pas. Bah si, il précise les États-Unis. Bah les États-Unis, de toute manière, c'est pas en camion, ça se fait par bateau maintenant. Mm-hmm. Avant, ça se faisait par route, mais... Non, mais bientôt, ça va... Il paraît que ça se fait par avion. Non, mais maintenant, ça va être supprimé bientôt, cette histoire de transport. Ouais, ça va être sur rail. Allez, dernière question. On y va par avion au States, non? Non, on parle pas du Concorde. Dernière question, un routier. On se mécale tout de suite. Un routier peut-il avoir un internet dans son camion? Ça sera la dernière question pour aujourd'hui. Donc, Martini. Ben, ça dépend si il a un Mac ou un PC. C'est vrai ça. Qui c'est qui s'amuse à dire ça? C'est moi, c'est pour ça. Eh ben au revoir. Ah, fais gaffe, je te connais une amende, Lascar. Eh ben au revoir. Ah, il est parti. Par contre, moi j'ai une question pour toi, Gégé, qui à 1h54 me semble super importante. Comment ça se fait que t'as plus de dents et que t'arrives à puer quand même comme ça de la bouche? Moi je t'emmerde, je réponds pas aux gros cons. Moi c'est une question que je me pose, quoi. Essaye de pas trop crier, s'il te plaît. Je réponds pas aux gros cons de Manu. Donc, la dernière question, vous répondez où sur la conclusion du débat? Mec, là il faut être du foie. Martini. T'es pourri de l'intérieur. Je me souviens plus de ce que c'est maintenant. L'internet. Ah oui, bah je te disais, ça dépend s'il a un PC ou un Mac. À ton avis, vaut mieux qu'il ait quoi? Bah, je t'ai dit tout à l'heure un PC déjà. Un PC, mais c'est quoi la différence? Bah c'est pareil. Ah ouais. El Château, pour finir. Moi je pense que ouais, effectivement, il y en a qui sont à la pointe de la technologie, donc ils ont remplacé direct la CB par l'internet. Quand tu fais un STX par internet, ça a quand même une autre portée, une autre dimension, quoi. Ça va plus vite, hein. Ah bah attends, c'est clair, tu te repères quand même vachement mieux, t'es d'accord avec moi, Gégé. Ricardo, pour finir. Non mais c'est clair. Non mais l'internet c'est le progrès, donc je vois pas pourquoi les routiers n'ont pas l'internet. Est-ce qu'un routier ça peut chatter sur internet? Ben, s'il a un PC, oui, mais comme ça, mais normalement, c'est en pourparler qu'ils vont essayer de faire des essais. Non, mais il y en a déjà, Gérard. On en a d'ailleurs actuellement avec nous, on en a pas mal. Ouais. Plus de 2500 apparemment. Ben, c'est bien, donc. Est-ce que bientôt ça sera l'avènement de l'internet, en fait? Non, Gégé, il pense pas. Est-ce que ça sera l'hégémonie, en fait, l'hégémonie de l'internet direct? Comment les jumeaux, tu veux dire quoi? Est-ce que la CB sera obsolète, quoi, en fait? Bah non, là, s'il y a l'internet, après la CB, elle va. Arrête de faire l'apologie de la bibine. Donc, conclusion du débat. J'ai un auditeur pour ta conclusion. Ah. Alors, c'est qui? On accueille Gomez. Bonsoir. Salut, bien, c'est Gomez. J'appelle de l'hôtel. T'appelles d'où? De l'hôtel. Ça, c'est le mec de la réception, ça. Non, mais attends, lui, je lui demande, t'appelles d'où? Non, c'est le mari. La ville! Je rends les clés, là. La ville, les plus qui font des passes pendant que toi tu bosses. La ville! Non, on peut pas la dire. C'est pas une période où je peux donner le nom. Mais c'est à Brest, c'est à côté de Brest. Ouais. Ouais. La fréquence! Oh putain, mais ils sont en 93.2. Allez, c'est facile, après la zone. Ça marche. Tranquille. Oui, note-le. Allez, conclusion du débat. Ah putain. Alors, j'aurais pas répondu à ta dernière question, Gérard. Qui? Bah, l'auditeur qui vient d'arriver. Ouais, alors donc, un routier peut-il avoir une CB et un internet dans son camion? Gomez! Gomez! Quoi, répète! Oh là là! Putain, il est sourd celui-là! Internet, CB, camion, bréco. Bon, allez. Ouais, internet dans le camion? Bonne nuit, Gomez! Ouais, je le sens pas trop, hein. Bonne nuit, Gomez! Allez, j'improvise. Allez, cache. Bonne nuit, ça y est, c'est bon. T'es ouf, arrête. Allez, hop. Vas-y. Conclusion, bon, Martini. Alors, attends Gérard, avant de faire la conclusion avec Martini, tu peux peut-être finir la dernière question du sondage. En plus, c'est intéressant, y a-t-il un avenir après le métier de routier? Madone, parce que je l'ai bien. Ah, tu l'as foutu en l'air déjà? Ouais. Elle est bonne celle-là, je crois, en plus. Non, alors, mais c'est intéressant de savoir ce que peut faire 87, un routier. 87% des gens disent qu'il n'y a que la cure pour s'en sortir. Ça, c'est bien Phil Manu qui s'amuse à faire ça. Mais c'est vrai, sinon tu t'en sors pas. 51% des gens pensent que le mieux après, c'est de faire des chansons paillardes. Bah, ça, c'est bien pour ceux qui écoutent la nuit. Non, mais les routiers, 37% des gens, 37% disent que la plupart des routiers se retrouvent avec la chaise à vie. La chiasse à vie. Je pense que ce qui vient me sortir, ce qui me met là-dedans, mais bref, c'est encore des trucs de merde. Et 21% estiment que ça dépend du pays hétéro ou billet. Voilà, donc c'est encore bien des conneries à Manu. Bravo Manu. Ça changera pas. Non, mais ça dépend des pays, c'est vrai. Les routiers, t'as déjà vu des routiers allemands ou des routiers, je sais pas, suisses, ils sont pareils que les routiers français ou pas? Non, parce qu'eux, ils se permettent de rouler plus, ils se permettent de rouler, à tort l'arigot et eux on qu'est-ce leur dit rien. Non, Iz. Il a rien à voir. Ils roulent n'importe comment et on leur dit rien. On leur dit rien. Donc, conclusion du débat, Ricardo, pour le premier. Il est 1h58. Conclusion. Eh ben, je trouve, Gérard, que t'as bien cartonné ce soir. Hein. Tu m'as fait plaisir. Je suis heureux de te retrouver sur Fun Radio. Mon pote. Et j'espère que tu passeras une bonne saison ainsi qu'à ta charmante équipe. Ok, voilà, merci. Bonne nuit. Je dirai le prochain débat là tout à l'heure. Gomez. Ouais, bah alors ton débat, pour la 10e fois, le débat sur les routiers, ça devient un peu chaud. Quand même. Donc faudrait que tu te renouvelles un petit peu. Bah, si on a décidé de faire ça pour commencer l'année 2000-2001, c'est sympa. C'est tout, on fait ce qui nous fait plaisir comme débat. Si on veut reprendre celui-là qui avait bien fonctionné il y a 2 ans, on le reprendra chaque année, c'est tout. Oh putain. Ok, génial. Voilà. El Château. Ouais, bah écoute, c'est vrai quand même, c'était quoi, les routiers 4 ou les routiers 5 hein, quand même. Donc, sujet bien tourné, bien retourné dans tous les sens. D'ailleurs, ouais, je voulais savoir si Philou, il a pris des photos tout à l'heure quand il t'est fait retourner l'anus là dans le truc de SM. Non, j'avais pas l'appareil. On y pensera. Dommage, Martini, dommage. Pour finir. Oui, eh bien, j'ai trouvé que c'était un débat de merde. Ça, c'est bien vrai. Parce que bon, ça fait quand même 5 fois que tu nous le fais. Et je trouve que tu t'es pas vraiment crevé le cul au niveau de tuchot tes questions. Donc essaie de te renouveler un peu, les autres avaient raison. Ah mais il a pas changé hein. Et sinon tu m'as pas répondu tout à l'heure, est-ce que t'as emmené ton bouquetin avec toi dans les Alpes? Je t'ai dit, je répondrai pas à vos questions de merde. Mmh. Alors c'est clair. C'est précis ça. Non mais moi ouais. Je trouve qu'il a évolué un peu. Voilà, parce que là, il est quoi. Attends, franchement, il travaille toujours pas, il exploite toujours sa femme et tout. Ah non, il a arrêté de boire, c'est vrai. Non, non, franchement, maintenant, il n'y a plus que la sueur, puis la lueur. Tu leur dis au revoir aux auditeurs et mais tu fermes ta gueule. Gérard, j'avais une question à te poser là. De quoi? C'est qui? Je vois que t'as une danse contre Anka, je voudrais savoir si c'est le fait que tu fertilisais un boudin. Je te répondrai pas. Un peu de psychologie. Hein. Ouais, mais je répondrai pas à ta question. Okay. Terminé. Conclusion sur l'internet. Alors sur internet, on a fini à 9833. C'est bien. Assez bien quand même. Hein. Pour un retour. Pour un Gérard, ouais. qui fait un mais j'aurais bien voulu. On a plusieurs conclusions, dont celle de Al Super Guérard. Il dit que. Oh, ça y est, vous me laissez écouter un peu les conclusions, la bande de trab. Faut vraiment que t'arrêtes de faire des débats. Faut vraiment que t'arrêtes de faire des débats sur les routiers parce que t'y connais vraiment rien. La preuve, tu t'es pris une plaque de verglas. Bon bah ça, je ferai des débats sur les routiers si ça me fait plaisir. Conclusion de Manu qui dit qu'un routier sans Sibi, c'est comme Gérard sans Sandy. N'importe quoi. Non, il a pas forcément si tort. Conclusion de Kérosène, je crois que pour apprécier un débat de Gérard de cette envergure, fallait sniffer la ligne blanche avant. N'importe quoi, c'est une conclusion. Ouais, je pense pas, moi non plus. Et une conclusion de Godzi, les routiers, les alcoolos de leurs états feraient mieux de rester au bar que de travailler, voire mieux. Faut les exterminer, voilà, ça va loin, sinon ils coûteraient cher à l'état pour leur cure de désintox. Ça, elle a pas tort. Ouais, ben, c'est des conclusions de merde. On n'a pas la conclusion de Turpentine, comme par hasard. Non, elle boycotte. Elle dit que ça pue trop chez elle. Tant mieux. Eh ben, qu'est-ce que je peux dire pour la première? Ben, dommage. Bien, que... c'était bien. Bien, bien. Ça a été un peu bordel. Je sais pas ce que t'en as pensé, mais moi j'ai kiffé. Hein. Ben, moi j'ai rien appris. Non, mais ça fait 5 ans qu'on apprend rien. Ouais, c'est bien. Ça a été le bordel. Donc, pour le prochain débat qui aura lieu le 22 septembre, ça sera sur les JO. J'espère. Je voulais te l'apprendre. On sera en différé avec Charles Biétry de France 2. Qui sera en direct là-bas. On en a, je m'en fous. Attends. Bravo. C'est pour toi qu'il fait ça. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Merci Charles. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Pour eux, là-bas, quand il sera ici minuit, il sera 6h du matin. Donc il va se lever pour nous. Putain, bien. Charles Biétry, France 2. Bravo Charles. Qu'est-ce que je peux dire d'autre que qui sait quoi? Merci Charles. Standard, ça a été le bordel. Merci Charles Biétry. France 2, 6h du matin. Oh, merci. Bon, toi, tu fermes ta gueule, gros. Moi, je l'aime bien. T'avais vu qu'il avait viré Pierre Sled de studio? Qu'est-ce que je peux dire? Le standard, c'était de la merde. Ouais, ça recommence encore une saison de merde. Ça va pas durer longtemps comme ça. Les auditeurs, apparemment, j'ai remarqué une chose. À chaque fois qu'on disait de les retirer, vous les reprenez sous les mêmes noms comme vous avez fait pendant 5 ans. Là, on attaque la 8e année de débat. Pendant. Eh oui. Donc cette année, 8e j'espère. Année de débat. Voilà, bah, c'est pas la 8e. C'est pas la 8e année de débat, t'es tard. 8e saison. C'est la 8e saison de débat. C'est la 5e. Encore. C'est la 5e. Non, même pas. Non. Tu demanderas à Max et tu verras que j'aurai encore raison. Quand tu bois, donc tu le standard. Ça fait 4 ans, ouais. Le standard, ça a été de la merde. Ouais. Anka, je peux pas dire que t'as bien bossé, t'as rien foutu, malheureusement. C'est vrai. Malheureusement, ouais. Ça, je peux pas dire que ce soir, le standard a bien fonctionné. Ouais. C'était vraiment. Catastrophique à ce point-là. Question Réa, alors là, c'est pareil. C'est comme le standard, ça a été le bordel. Eh bien, gamin, il paraît que t'es une tête dans ton genre, hein. Et qu'est-ce que j'ai à dire d'autre? Ben, bonne bourre à tous ceux qui sont au pieu, ouais. Qui sont au boulot, là, les nuiteux, les surpeurs de route, les routiers, et tout ça, les ambulanciers, tout ça. Et bien sûr, j'embrasse très fort ma Bibi et le Nicolas, et le petit Nicolas. Voilà. Sur ce, vous allez retrouver le petit Nicolas, 2h04. Il écoute le petit Nicolas. Là, vous allez retrouver, qui c'est ce soir? C'est Rico. Rico, Robin Dub Style. Non, c'est pas Rico ce soir. Bah, c'est qui? Bah, si. Ricky, pas Rico, bah, connard. Ricky pour la nuit sans pub, et moi je vous retrouve le 22 septembre pour le débat sur les JO, et on va se quitter avec les Tsunkai avec Mauvaise Graine. Allez, bonne nuit à tous, bonne bourre. Et n'oubliez pas dimanche soir le retour de Max dans Réflectique. Bonne nuit à tous. Une émission sponsorisée par les films Lascar, Trappine dans Roselyne.